Ça fait un peu années 60. Hein. Ah ouais, Domino. Ouais, c'était Fat de Domino. Fat Domino. Ouais, mais ça fait ça, hein. Les gars, on peut le faire. Eh bien, voilà. Une entrée en matière plutôt 60s que années 80. C'est comme ça, parfois. Allez, on déroge un peu. Oh, il y a des malades autour de la table là. Je sens que ça tousse. Ouais, ça tousse pour moi. Ça va tousser ce soir. Ça va tousser ce soir. Des chiteux, des microbiens. En tout cas, bonsoir à toutes et à tous, nos amis RQCiens et RQCiennes. On se retrouve ce soir exclusivement en. Bah, en que des que masculins, hein, en fait. Il n'y a que des mecs. Que des mecs. Quoique. Ça y est, ça commence. C'est quoi de le dire en plus, mais quoi que. Puisqu'on. Je sais pas, mais il y en a. Ouais, ça sent le cas ici, ouais. Ouais. Non, c'est mon chewing-gum. T'as un chewing-gum ? Ouais, ok. Bon, ça marche. Bah, tu sais que quand on est à la radio, le chewing-gum est interdit. Ah ? Ouais. Mais j'aime bien pour faire les interdits, moi. Donc, ah, ok. Ouais. Ok, ok. Bon, en tout cas, pour nos amis auditeurs. Rebelle pour rien. Hein. Bah, non, je me doute. pour nos amis auditeurs et auditrices, eh bien, bienvenue ce soir pour notre émission spéciale années 80 et d'autant plus spéciale puisque on reçoit comme une fois par mois notre grand ami disque jockey, celui qui avec ses petits doigts vous fait frétiller ses CD. Bien sûr, c'est notre ami Didi Stéphache. Bonsoir. Oh, ça va, j'ai un petit peu de voix quand même, ça va. Ouais, ah parce qu'il paraît que loin du micro, on a dit. Non, mais c'est. Bon, alors attends. Il faut s'habituer, hein. Les micros vont bien maintenant. Ouais, ouais. Et parce qu'il nous disait. Stéphane nous disait qu'il était à Phone. À Phone Radio. Phone Radio. Ah, je crois que c'était à Patelin, moi je me disais, je ne connais pas, c'est en Belgique. Oui, voilà, mais c'est clair. Donc, pourquoi tu es devenu à Phone? Non, mais j'ai pensé à toi, Canan, d'ailleurs. Parce que c'est vrai que samedi, j'aurais du mal à faire de la radio. Déjà, là, c'est. C'est mythe. Ah, il y a une journée. Ouais, mais il y a une raison ou pas? Bah, il y a eu une petite crève là-dessus. Et puis une grosse soirée vendredi passé où le son était tellement puissant que j'ai dû beaucoup forcer sur la voix. Voilà. Ah, et fracture de la gorge. Et voilà, c'est tout juste, mais bon, pour mixer, ça ira quand même. Bon, nickel. Alors évidemment, ce soir, on te retrouve comme tous les mois pour le Défi Mix 80, que vous adorez tous, évidemment. Donc le Défi Mix 80, rappelle-nous un peu le principe, si c'est utile encore. Bah écoute, j'ai l'impression que j'étais là la semaine passée, tellement le temps passe vite, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, ouais, carrément, ouais. Donc le Défi Mix, ben, comme d'habitude, il y a... Alors, je les ai pas recomptés maintenant, mais il doit avoir toujours entre 500 et 600 titres... dans le sac à mix. Il y en a moins. Hein. Bah, on est parti de 700, alors moi je finis. Non, non, c'est parce que j'ai jeté ceux de la fois dernière. Ah bah ouais. Non, je te l'ai pas dit. C'est possible, ça c'est possible. Et d'ailleurs, c'est une bonne question, ça tu les remets dedans ou pas De temps en temps, mais là normalement ceux de la semaine passée, non. D'accord. Mais je t'avoue que je serais incapable de dire après. si t'en achetais, là, je suis incapable de te le dire. Mauvais. Donc sinon, un tirage au sort de 6 titres, tous styles confondus, années 80, bien sûr, et puis on va essayer de. Faire une petite sauce avec tout ça en 15-20 minutes. C'est un peu comme la cuisine. Hein. Ouais. Okay. Je ne sais pas quel goût ça aura, par contre. Ça promet. Bah écoute, mais bon. on a hâte, hein. On a hâte d'entendre ça. Donc d'ici quelques minutes, le temps de faire le tour de table et évidemment de présenter tous les sbires qui sont là. Je ne sais pas pourquoi je dis sbires. Bon, non, mais je bon. Bien, sbire. Les sbires. Des lesbires. Des lesbires. Moi, dans mon annonce tout à l'heure, j'ai mis les nazes de service. Donc, non, c'est plutôt des lesbires. Des lesbires. Mais c'est quand il reste une bite, on la lèche. On met des lesbires. Alors, évidemment, bah, vous avez reconnu sa voix, c'est Canon. Ouais, salut tout le monde, salut toutes. Ouais, donc Canon. C'est con comme en vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est un peu con, mais c'est Canon. Ouais, c'est Canon, alors évidemment, ce soir, une petite chronique à 20h30. Oui, une petite chronique, ouais. Kézako. Je vais vous parler. Bah, il y a un spectacle qui s'était fait il y a un an, et il revient. Il a fonctionné très très fort, et je vais vous en parler. Voilà, ah ouais. Parce que, parlais d'un spectacle d'horreur, je sais pas pourquoi. Mais... Ouais, c'est le violon du fantasme. Et je vous en avais parlé l'année dernière. C'est le titre cartonné. Ah oui, mais ça avait été dit en anglais, je vais pas tout dire d'un coup, mon garçon. Ah, donc voilà. Fantasme Violin. Fantasma Violin. Ah, je crois que oui, ça me rappelle quelque chose. Ça. Oui, ouais, c'était l'année dernière, absolument. Il s'était lancé, je vais vous en parler en guise de chronique, parce que Stéphane, j'ai toujours dit, quand Stéphane est là, je fais moins de chronique. Oh, voilà, okay. Je lui laisse la place. C'est bien, mais Stéphane, voilà. Je devrais venir plus souvent. Voilà. je vais vous parler aussi après on en parlera tous d'ailleurs, car il sera là, d'un événement oui. Qui va se passer dans quelques jours à la Blonnerie à Moucron, et c'est pure années 80, la mémoire, les mémoires de la nuit, The Night of Memories. Ouais. Il y aura des places, des filles à gagner. C'est les nuits de mémoire, Night of Memories. Mm-hmm. Les nuits de la mémoire, oui. Night of Memories. Ouais, c'est pas la mémoire de la nuit. Ouais, ouais. Ouais, la nuit des mémoires. Ouais, c'est la nuit des mémoires, mais pas la mémoire des nuits. Ouais, je t'emmerde. Il y a plein d'amalgames comme ça. C'est comme la guerre des étoiles. Normalement, c'est les guerres de l'étoile. Oui, Star Wars. Ouais. C'est ouais, la guerre oui, de l'étoile et pas la guerre des étoiles. Putain, ça commence bien. D'accord. Hein eh, bah, okay. Donc vous avez reconnu sa voix, je vais le faire, c'est l'emmerdeur, Sherlock. Voilà, Sherlock d'ailleurs. Ah, oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est vrai que t'as pris ma défense en plus. Donc Sherlock, évidemment, qu'on va te retrouver à 21h pour les sorties Cinoche. Oui, c'est ça. Et à 22h pour 22 le rétro ciné 80. C'est ça, pour le ciné rétro 80, avec donc, bah, un film des années 80 que j'ai regardé cette semaine et que je vais essayer de vous faire deviner. D'accord. Ah bah j'ai pensé à toi, j'en ai regardé un aussi, tu vois, cette semaine. Alors vas-y, dis-moi lequel. Miss Daisy et son chauffeur. Mais, ah ouais. Avec ouais. Morgan Freeman. Ouais, ouais, absolument. C'est absolument. Ça. J'ai trouvé ça sympathique. Très sympa. Oui, ça se regardait. Ouais. Très triste, mais très sympa. Enfin voilà. Okay, et okay. On a notre ami Flipkat, évidemment, 21h30. Bien sûr. 21h30, il va nous faire le plaisir de nous parler de... Eh ben, je vais vous étonner, un gros français, donc, puisque, comme je l'ai annoncé, je vais faire le grand livre. Ça me trottait en tête déjà depuis un petit moment. Donc, ben, ça y est, je le fais. Donc, lire Ita Mitsuko. Ah, bien. Ça, c'est bien. Voilà, pour avec vous faire plaisir. Catherine et Fred. Ah ouais, et j'aime assez bien. Donc... Vous savez que je suis pas... Je suis plutôt de culture anglo-saxonne, hein, pour ouais. Le rock anglo-saxon. Mais j'avoue que c'est un, l'histoire est intéressante. Ils ont quand même fait des trucs avec ouais, Sparks, si, hein, mais je, donc, oui, ben voilà. Voilà. Pour, donc il y a quand même un jeu anglophone. Ah bah ouais, évidemment, voilà. Évidemment. Et moi, j'ai un jeu à proposer aussi, c'est qui touchera à la platine de Stéphane pendant qu'il mixe sans se prendre la panne dans la gueule. Moi, je sais que Canon, il est très fort à ça. C'est vrai. Alors moi aussi, de mon côté aussi également, je voulais vous parler d'une petite success story, et je vais vous parler évidemment de Eddie Meus. Une success quoi ? Et qui Eddie qui ? De Eddie Meus. Non, Emmaüs. Eddie Meus. Oui. Meus. Eddie Meus. La Pierre a fait si vous êtes, si vous êtes sage, je vous parlerai d'Eddie Meus et de, d'une belle histoire à succès que vous connaissez tous, forcément. Et on ne connaît pas forcément les origines, mais je suis tombé dessus, j'ai dit, ah ouais, quand même, sympa. Sympa. D'accord. Voilà, donc rien à voir avec. Enfin, si, ça a à voir avec les années 80, évidemment, puisque c'est une expérience. Enfin, c'est une. Ça a commencé en 1975, et aujourd'hui, ça existe toujours, et ça marche du feu de Dieu. Et je vous en parlerai. Le créateur est Eddie Meus. Qui marche depuis 75 et qui existe toujours. Oui. Mais on en parlera tout à l'heure, évidemment. Pas du tout. Carrément pas. Voilà. C'est vrai que c'est de 74, l'effet de l'amour, quand même. Ouais. Oui, c'est pour ça, je croyais que c'était ça. Ouais. Je me dis, Et évidemment, donc, nous recevrons donc, un invité qui va nous parler donc, d'une soirée qui va faire parler d'elle, évidemment. Et c'est pas la première, c'est pas le... il y en a plein d'autres. Il nous en parlera tout à l'heure. Vous la connaissez, c'est dans le coin, c'est sur Moucron, c'est la Blomerie. Ce sera juste après cette coupure musicale. Oui, et la coupure, alors justement, en parlant de l'invité, je te propose de la faire parce que j'ai fait un petit montage qui est complètement... cette soirée, en fait, aura lieu avec des DJ-jockeys qui reviennent de boîtes de nuit qui ont été créées dans les années 80 et on les citera tout à l'heure. Ouais. Et j'ai fait, en fait, un mix avec ces DJ-jockeys... Enfin, non, je ne les ai pas rencontrés, mais avec ce qu'ils ont fait à une certaine époque pour mettre en entrée en matière un petit peu qu'est-ce qui va vous attendre le samedi 8 à la Blomerie et restez à l'écoute parce qu'il va y avoir des places gratuites. À gagner. Bon. Eh bien, écoute, moi, ce que je te propose, Sherlock, si t'es d'accord, tu fais un titre années 80 et puis le mix de Canon. Comme ça, après, on reçoit notre invité. Ok. Et on arrive. Moi, j'étais parti sur un petit truc rock. C'était les Guns N' Roses avec Sweet Child O' Mine. Bah, c'est très bien ça. Et ensuite, le mix que Canon nous a gentiment proposé. Non, je l'ai payé. Mais... En général, quand il y a un grand blanc qui parle doucement, c'est qu'il cherche. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc, on peut rien vous cacher, c'est dingue. Tu annonces Sigoti, tu as la bite à Dudule, et juste en dessous, tu as la... Ouais, c'est ça. Non, mais le pire, c'est que c'est sa clé USB à lui. Donc, il y a les photos de sa femme, il y a un titre années 80. Mais c'est ça, en fait, j'étais en train de regarder ma femme, tu vois. Je crois que avec Salaki, ça glisse aussi, mais un truc comme ça... Ouais, ça c'est après par contre. C'est après. Ok, et donc ensuite on reviendra pour le tirage au sort du défi mix. Ah bah ouais, mais absolument. Ok, bon ça marche, bon on fait comme ça, allez. Allez c'est parti. À tout de suite. You got do we go now? Where do we go? Money, he's got ça y est, on est parti en club. C'est chaud. Je vous l'avais dit, les enfants, ça allait envoyer du lourd. Alors, on a dépassé quand même, on a sauté d'une décennie. On n'est plus dans les années 80, mais qu'importe, c'est quand même bon. C'est début 90. Hein. Ouais, mais il y a eu du gala, il y avait aussi. Alors, il y a peut-être une y avait des culture beat. Malheureuse de notre ami Rockwell, évidemment. Rockwell, je préfère la version originale. Non, parce que l'événement, on va en parler, l'événement dont on va parler part des années 75 jusqu'à aux années 2000-2005, voilà, donc c'est vraiment quelque chose de moderne, avec, voilà, ciblé les années aussi 80-90, là où on danse. Voilà. Oui, alors c'est une belle soirée, hein, quand même. C'est une très très belle soirée, alors le meilleur moyen de toute façon pour en parler, alors on va dire le titre de la soirée, écoutez bien tous, parce qu'il y aura des places à gagner dans quelques instants, tiens, tu rêves, vous allez rester avec nous au moins une heure avant de les gagner. Écoutez ma voix. Donc c'est Night of Memories qui va se passer donc au domaine de la Blomerie à Moucron, d'accord, avec bel écrin très très joli. Donc c'est pas la fête à pleu-pleu, il n'y a pas 14 personnes devant le petit bar de chez Régis. J'espère qu'on connaît pas de Régis. si justement. Excuse-moi, c'est un truc entre nous deux. Régis c'est un con, on peut dire à deux. Régis c'est un con. Voilà. Voilà, Régis, tu nous écoutes, t'es un con. Voilà, t'es un con. Et on le connaît très bien, c'est un ancien employeur. Et donc voilà, ça va se passer très très bien. Mais le meilleur moyen d'en parler, parce qu'on a un invité avec nous, c'est la donneur, c'est la personne en fait qui s'occupe de ça et qui monte ces soirées-là. Et Dieu sait qu'il a un passif, mais pas dans le sens péjoratif, c'est qu'il vient de loin. Il vient de loin, il en a fait des trucs, il est en train de souffler en se disant « Mais qu'est-ce qu'il est en train de me brosser ? Mais tu vas parler, mon petit Jean-Marie. » Voilà, je vais vous passer le micro. Merci. Bonsoir. Du coup, tu vas te parler. Bonsoir. Ça sera mieux. Alors, je t'écoute. C'est plus facile comme ça. Bonjour, mon père. Évidemment, avant de parler quand même de Night of Memories qui aura lieu donc à la Blomerie le 8 octobre, donc vous avez compris, hein, on va balayer toutes les musiques de 75 jusque presque aujourd'hui, 2005, c'était hier. Hein, donc tous les gros succès qui ont fait frémir les dance floors de Moucron. Alors quand je parle des dance floors de Moucron, il y en a plein. Il y a le Club 13, il y a le Garden, le VSD, le 37.5, la Camuche, la Grange, le Malabo, les enfants terribles, les enfants du terrible. Gaz. C'était terrible. Qu'est-ce qu'on a pu souvenir. Tout ça, la baguette quand même, je vous le dis, parce que il y aura quand même DJ Pimpon et DJ Tex qui seront au platine. Rien que ça. Alors DJ Tex, je connais un peu moins, mais DJ Pimpon, évidemment, tout le monde le connaît. C'est une soirée où il faut vite réserver. Moi, je connaissais DJ Pompon, mais c'est mon grand-père. Hein. On n'est pas sorti de l'auberge. Voici venu le temps. Donc, c'est effectivement le 8 octobre et on a avec nous donc Jean-Marie, qui est tout simplement le papa de cette soirée. Le papa. Bah ouais. Ça fait 5 ans qu'on fait ça. Oui. Cette soirée, on en fait deux par an. On en fait une en octobre, on en fait une en mars. Ouais. Qui sont à vocation un peu, on va dire, rétro. Là, celle de mars s'appelle d'ailleurs 69-99. Ouais. On reste sur un créneau bien précis. Oui, j'ai déjà vu ces affiches, bien sûr. Ah ouais, carrément. Voilà. Ouais, elle passe assez souvent sur la page 80 à l'heure. De temps en temps, j'arrive à mettre une pub sur. Je t'avouerai un truc, Jean-Marie, c'est que moi, parfois, je le refuse. Je dis, mais c'est qui, lui ? Pourquoi il nous envoie les. En fait, je peux dire maintenant, c'est moi qui valide, c'est que je vois 16 publications et j'en valide une par jour. C'est ça, ouais, bah oui. C'est bien, j'en fais 16, j'en mets une, ça me suffit. C'est pas mal. Évidemment. Ma femme souvent me dit ça. Je sais pas si c'est pour la même soirée. Non. Et il y a moins de monde. C'est vrai. Heureusement. Donc voilà, non, pour reprendre un peu, il faut savoir, voilà, c'est vraiment, j'ai eu l'occasion, moi, d'assister à la Blomerie, à un des spectacles de Monsieur Jean-Marie qui a lancé ça. Ça bouge vraiment très très bien. Donc, évidemment, il y a les bars qui sont là pour boire un verre, il y a la piste de danse et le dance floor qui est là pour danser. Voilà, et puis Lady Jockey, c'est pas un petit peu de la musique, pom pom pom pom pom. Non, c'est ça danse à fond, quoi. C'est la super ambiance. Donc il faut absolument, vous qui vous dites l'été disparaît, il va bientôt pleuvoir et le Père Noël va bientôt se pointer, c'est le 8 octobre. C'est samedi et il faut vraiment descendre à la Blomerie. Tout le monde connaît hein, la Blomerie à Moucron, sinon on relayera la formation. J'y suis tous les jours, bien sûr. Je me lève le matin, je passe par la Blomerie d'abord. C'est vrai, en plus, c'est Drève machin là, parce que ça, c'est un truc belge, hein, c'est typiquement belge, mais Drève, je sais pas quoi là, mais Drève Gustave Fache. Et moi, je suis au 3, donc forcément. C'est You Dream Me Up. Ouais, c'est ça. Mais alors, effectivement, ça fait 5 ans que tu le fais. Je sais qu'il y a aussi il y a des soirées qui sont aussi en face, enfin, à côté de, si je ne m'abuse, à côté de la gare de Moucron. À côté de la gare de Moucron, oui. Ouais, un bel endroit aussi également. Bien sûr, un très bel endroit. Voilà, où il y a aussi des rendez-vous comme ça, soirées clubbing. C'est un peu. Enfin, on est un peu sur le créneau nostalgique. On est sur le créneau nostalgique, mais c'est un créneau qui a l'air de bien fonctionner. Bien sûr. Les gens adorent. Ouais. Et on a quand même, on essaie quand même de revoir un peu ça à la manière des discothèques de ces années-là. C'est-à-dire que déjà dans le décor, on se retrouve, malgré que la Blommerie, ça soit une salle de mariage, banquet et autres réunions, ouais. On arrive à transformer l'établissement en véritable discothèque. Ça veut dire jeu de lumière, ça veut dire... boule à facettes, ça veut dire cool, laser, ça veut dire écran, machine à fumer, voilà, c'est la discothèque des années 80. Femme ? Ça marche bien. Non. Femme ? Pas de femme ? Non. Femme. Années 80 ? J'ai invité la chienne. Ah bah. donc pas de femme. Voilà, voilà. Et durant ces soirées, donc voilà, on passe, comme on a quand même un panel de 30 ou 40 ans de musique, on passe uniquement les tubes, les standards, ceux qui ont fait bouger tout le monde dans ces années-là, ce qui nous permet d'avoir des publics. Il faut bien penser à une chose, quand on fait une année 70, ouais. Celui qui avait 20 ans en 70, il est né en 50, donc aujourd'hui il en a... Ouais, je sais pas, je 65. Plus, ouais. Donc ça nous permet d'avoir une clientèle qui arrive à 21h précise, mm-hmm. avec un âge donc moyen de, on va dire, de entre 40 et 60 ans. Et qui part à 22h30, parce qu'après il doit aller se coucher. Exactement, il part. Voilà. T'as raison, il part à minuit. Oh bah. C'est pour ça que dans notre programmation, on tient compte de ces gens-là, et on veut qu'à 9h pile, ils aient de la musique. Qui leur rappelle quelque chose, qui puissent avancer. Donc on parle des Barry White, des Coco, ouais, des Abba, Abba et compagnie. Les formants. Peut-être pas tout à fait arriver à ça, mais bon, ça peut arriver aussi. Et on termine toujours. Voilà. C'est d'accord avec toi. Je vous expliquerai pourquoi après. Voilà. Je suis pas trop formant, je suis pas trop la. Non mais c'est bien, voilà, très bien, c'est bien. Mais bon, j'aime bien l'ambiance, mais il faut que ça bouge. Mais bon, par exemple, la bonne référence à cette époque-là, c'est tout ce qui est Barry White. J'imagine qu'il y a compagnie. Du Patrick Hernandez, évidemment. Hernandez, tout ce qui passe à Référence 80 et autres. Star 80 et tous ces plateaux, évidemment. Et ce qu'on a refait aussi dans nos soirées, et qui n'existe plus trop nulle part, c'est que nous avons nos disques jockeys qui... À partir de 23h, 23h30, pour faire plaisir à la première clientèle, automatiquement, nous avons des séries de solo. Ah, il y a le quart d'heure américain. Il y a le quart d'heure américain, il y a le quart d'heure country. Mais Tchèque, Roumain, Polonais, voilà. Allemand, avec des standards, Scorpion, Joe Dassin, Céline Dion et compagnie. Voilà, des trucs que tout le monde connaît, tout le monde a dansé dessus. Voilà. Et l'avantage qu'on a, c'est que bien souvent, quand je vois les gens qui s'amusent, et ça me fait plaisir, je me dis toujours que quand ils dansent sur un slow comme de Scorpion, bien souvent dans la tête de l'homme et de la femme qui sont là, mariés, qui dansent ensemble, ils se disent, il y a 30 ans, je dansais ça, mais pas avec la même. Voilà. Et puis ils se disent, au moins en partant, je vais l'emballer. Donc, voilà. Ou alors ils se disent dans leur tête, t'as vu ce que t'es devenu maintenant? Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça, c'est dire si tu savais s'il y avait 30 ans, mais là non. Merde, alors il y a quand même ça, 30 j'ose ans. Pas. Ouais. J'ose pas le dire. Mais voilà, c'est un peu le but, que comme ça tout le monde s'y retrouve, et voilà, et on passe du disco, parce que c'est quand même une période, ces années-là, ces 30 années-là, c'est quand même une période où il y a eu au moins 7, 8 ou 9 genres de musique différents. Bien sûr. Partant de la funk, la funky, avec le disco, avec le reggae, avec le new wave. Tout ça sont des musiques qui ont évolué, qui ont fait danser tout le monde pendant 30 ans. Donc on passe aussi bien d'une de 3-4 morceaux de disco à 2 morceaux de new wave, un morceau de funky qui est excellent, voilà. Parce que en plus, il faut le dire quand même, parce que tu sais de quoi tu parles, puisque tu as quand même été le boss du Garden, rien que ça. Exact. Et ça doit parler forcément à tous les quarantenaires et les cinquantenaires aussi, hein. Même les je sais plus comment on dit, soixantenaires. Hein. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu me regardes quand tu dis je sais pas comment on dit 60 regarde flippette. Non, non, non, non. Ouais, mais la différence, c'est qu'à 60, je suis encore bien conservé, moi. Parce que quand je vois la gueule de certains, ça me rassure. Tu dis ça pour Jean-Marie, mais il est sympathique. Non, non, c'est un invité. Il est bien conservé, ce monsieur. Ah, tiens, maintenant, il fait des compliments. Ce qui est important de rappeler, c'est que vraiment, si vous avez aimé à l'époque l'ambiance du Club 13, de la Grange, j'en passe et des meilleurs, il y a la Camuche, le Malabo, les Enfants Terribles, évidemment, le 37.5 Celsius, qui ne se rappelle pas du Celsius, évidemment. Toutes ces ambiances-là, vous allez les retrouver, parce que quand même, au platine, je rappelle qu'il y a DJ Pimpon. Exact. Et alors DJ Pimpon a traîné un peu partout, évidemment dans toutes les boîtes. D'accord, ouais. Tout va bien. Et Digitex également qui sera en platine. Alors ça se passe donc le 8 octobre à partir de 21h jusque pas d'heure évidemment. Comment fait-on pour réserver? Nous avons deux solutions, ou bien les gens prennent des préventes. Ouais. Donc il y a trois ou quatre lieux de prévente. Il y a le, si je peux me permettre de les citer, bien sûr. Il y a le café du Tuquet qui est à la place du Tuquet, mm-hmm. chez Marco. Il y a le café Le Brinzin qui est à côté du McDo à Moucron chez GG. Ouais. Il y a le café Le Plan B qui avant était chez France, qui avant était ici à Rue Saint-Germain et qui est maintenant. Et d'ailleurs, quand on va le voir, on lui dit il me faut deux places, France. À savoir, le café du Touquet, c'est place du Touquet. Le café du Brinzin, c'est près du McDo de Moucron. Ouais, et le Plan B, c'est rue des Cheminots à Herzo. Donc, le Brinzin, c'est juste à côté du Mojo. Le Brinzin, oui, c'est juste à côté, bien sûr. C'est à côté du Mojo. Oui, absolument. Je préfère dire à côté du McDo. Mojo, McDo, bon, moi je suis côté. Hein. Non, mais c'est bien aussi. Ouais. Et alors, donc, les préventes, c'est 10 euros. 10 euros, 13 euros sur place. Ouais, voilà, on n'a pas changé le prix parce que j'estime que c'est logique de rester comme ça. Donc, on ne change pas le prix depuis 5 ans, c'est toujours 10-13. Mm-hmm. Et les consommations sont à partir, comme dans un bistrot, à partir de 2 euros pour une shop. Les mecs qui sont venus en 1950, ils disaient putain, 10 euros à l'époque, c'était cher. Ils n'ont pas changé le prix. Alors, Jean-Marie, on a une bonne nouvelle. Tu n'étais pas né en 52. Ah non, 50, non. Alors, on a une bonne nouvelle, évidemment, puisque tu ne viens pas les mains vides. Tu proposes à nos auditeurs, évidemment, de remporter donc des places, tout bien simplement, sûr. Pour assister donc gratuitement, vous entendez bien, gratuitement. Pour participer à cette belle ambiance. Oui, je disais un petit mot parce que les gens qui se disent, c'est vrai que la Blomerie, il y a des auditeurs qui nous écoutent, c'est quoi? C'est vraiment un très très grand site. Qu'on parle de boîte de nuit, c'est pas 45 personnes, je pense qu'on peut attendre jusqu'à les 1000 personnes. C'est vraiment un très très grand événement. Ça va mixer, le DJ, il est pas, Stéphane qui est DJ chez nous, il est pas sur une table en train de faire avec un chenillard. C'est vraiment une très très très grosse soirée festive. Non, j'ai pas dit Stéphane. C'est pas sympa pour Nono quand même. C'est un petit clin d'œil, c'est bien, tu l'as noté. Avec donc la voilà. Avec donc, la boule à fossette, un petit moteur, ouais. Avec la pile, là, c'est ça. Ouais. Non, lui, c'est les boules à Sarah Facette. Il a pas les boules. Donc, non, c'est un très très bel événement. Vous vous dites, c'est dans 4 jours. Bah ouais, mais vous savez rien faire. Allez manger un morceau sur la place de Moucron et après bougez, allez faire la fête. Il y a le bar qui est ouvert, ça boit, ça. Ça danse, ça chante. Et ça, à la fin, souvent, ça danse un slow. Alors, Jean-Marie, voilà. Oui. Petite question. Alors, si vous souhaitez remporter vos places, c'est une ou deux places par personne? Je vais donner deux places par personne, parce qu'en général, si quelqu'un gagne une place, ils sont en compagnie. Bon, voilà, donc, on va donner à vos auditeurs. Alors, dans ces cas-là, on fait deux choses. Par téléphone. Ou par Facebook, par téléphone pendant la coupure musicale, évidemment. Oui. Par Facebook, quand vous voulez. Voilà. Combien de places en tout? On va partir au moins sur 5 x 2. Eh ben, wow, dites donc. Alors là, c'est toi grand qui, prince. C'est toi qui, ah bah qui propose le jeu. 5 x 2. Ah bah ouais. Alors, la question, on va vous poser une question, évidemment. La drève, le nom de la drève. C'est très simple. C'est une soirée qui vous rappelle l'ambiance des discothèques des années 80, 90, 70, 80 et 90. Des discothèques mythiques de Moucron. Il suffit tout simplement de nous donner le nom d'une d'entre elles. Celle qui était du côté de Dottigny, celle de Moucron. Alors le mieux, le nec plus ultra, le nom de la discothèque qu'a créé Jean-Marie. Ouais. Ah ouais, alors là. Ah ouais. On va dire le nom de la discothèque, c'est 4 places. Ah, bah si, pas, ah si, je me suis. Si. Voilà. Donc place. Vous nous le faites sur Facebook, évidemment, sur notre page 80 à l'heure, ouais, sur donc 85 le, FM. Voilà, deux places. Vous nous citez une des boîtes sur Moucron, et si vous avez bien écouté ce qu'a dit Harry tout à l'heure et l'a présenté, qui est donc Jean-Marie était le patron de quelle boîte mythique hein. Et là, c'est quatre places. Waouh. Voilà. Harry en paye deux. Je peux répondre. Non. Donc soit par la page Facebook, vous laissez un commentaire. Donc sur la page 80 à l'heure, soit par téléphone. Ou le Minitel aussi, 3615. Non. Non, ça se fait plus. C'est ça, vous partez l'ex pendant que signez, mais bon. Donc soit, ça donne un petit soit côté par téléphone, à votre émission. Pager. Donc soit par téléphone au 056 34 07 83 ou en appelant de la France au 00 32 56 34 07 83. Voilà, et pendant la coupure musicale, j'insiste. Oui, vraiment, pendant la coupure musicale, parce qu'après, c'est un peu compliqué à gérer. Alors, Jean-Marie, nous allons passer du coq à l'âne. Merci. Voilà. Donc, je vous dis pas qui est le coq qui est l'âne. Voilà. Non, mais... Je dis pas qui est le coq qui est l'âne. Hein. Attention, je n'ai rien dit. Moi, j'aurais dit Baudet. Alors, ça, c'est fâché agréable, là, franchement. Stéphane est avec nous depuis oula, de nombreuses années. Il ça a connu aussi les années 90. Ah, c'est ta soirée ce soir. Hein. Ah, donc, ouais, c'est vrai. Donc, 80 aussi, j'ai connu aussi. Ben oui, je sais. Donc, avec le défi Mix 80, rappelle-nous le principe pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors le défi mix, eh bien, je suis venu avec un sac à mix avec 500 à 600 titres années 80 là-dedans. Ouais. Vous allez en tirer au sort 6, sachant que c'est tout style confondu. Et puis ben, je vais essayer de faire une petite session de 15-20 minutes avec tout ça. Donc une petite recette de cuisine avec des musiques souvent très différentes et c'est souvent folklorique. Hein. Alors on va demander à notre invité évidemment de tirer 3 titres par exemple. Alors si tu peux nous tirer un petit forban spécialement pour non, c'est pas indispensable, j'ai déjà dit. Hein, c'est... je fais déjà une émission sur un groupe français, une chronique, pardon, sur un groupe français. Ah oui, ça c'est déjà exceptionnel. Alors pendant que Jean-Marie est en train de tirer les 3 titres, je vous présente une voix féminine qui vient de nous rejoindre, qui est Onissa, qui est avec nous. Bonsoir à tous. J'adore parce qu'elle a sa bouche à côté de la mienne. Oh. C'est normal qu'elle se tienne le nez. C'est normal qu'elle se tienne le nez. Pas sympa avec toi. Qui est avec nous? C'est de quelle origine ça? Qui est avec nous? Non, t'inquiète pas, Fikat, c'est pas une roumaine. Alors, non, c'est grec. On va c'est demander pas Fikat, avec nous. Allez, on va faire un duo entre Jean-Marie et Onissa. Donc Onissa va aussi avec tirer. Avec plaisir. Et ouais, donc, fais-moi l'amour. Elle va tirer au sort, donc 3 titres. Fais-moi l'amour. Alors il y a une règle, Jean-Marie, c'est qu'il faut que tu nous cites les titres, évidemment, que tu les chantonnes. Ah, alors et le premier, c'est François Feldman. Ah. Les valses de Vienne. Ah bah alors là, tu peux le chantonner. Très facile à mixer. Ouais, c'est ça. Les valses de Vienne. Oui. Bien. C'est ça, hein. Oui, c'est ça. Tu vois, Flip 4, lui, il fait... Oui, mais oui, mais on peut pas être parfait à tout niveau. Ça, t'as jamais ça à comprendre. Alors, il y en a un qui va être un peu plus compliqué. C'est... Jameson Brothers. Ah si. Alors c'est lequel aussi, ouais. Tic-tac Tic-tac. Ah ouais, j'adore. Mayer, tease. My heart beating wild. Tic-tac, beating wild. N'aie pas peur, il n'est pas là ta soirée, chante pas. Ça m'arrange fort bien. C'est que Harry, à chaque fois qu'il chante un truc, il est toujours comme ça. Et au passage, on salue Falco, évidemment, qu'on avait eu en interview, et qui fait partie du groupe des Gibson Brothers. Voilà. Et le troisième, on y va? Mais c'est toi qui va y aller, attention. Hein, ça va pas être facile. C'est Michael Jackson. Ah oh, ouais, avec lequel? I just can't stop loving you. Ah oui, si, si. Ouais, c'est très beau, mais alors pour le mixer, il va gagner aussi. Quoi. C'est le quart d'heure américain, je crois. C'est film mix, ouais. Quoi. Quand je disais qu'il y avait des slow chez moi, je retrouve. Voilà. Hein. Ouais, voilà. Ouais, bien sûr. Vous n'allez pas être déçu avec mes titres, attendez. Attention. Alors, mon fils, ma bataille. Là, tu peux le chantonner, ça. Pourvu hein. Qu'elle s'en aille. Je me présente, je m'appelle Henri. Ça, c'est le chanteur. Oui, c'est beau, ça. Alors, c'est beau, ça. Oh, mais je vais tout casser. On s'emmerde pendant une semaine à essayer de conquérir 30 auditeurs. Lui, en 2 minutes, il en perd 300. Tu sais, on peut pas dire de gros mots, mais ferme ta gueule. Laissez chanter quelqu'un, quoi. Mais arrête, c'est désespérant. Après, au bout de mes rêves, Jean-Jacques Goldman. Ah, bah, j'irai au bout de mes rêves. Tac, tac, tac, tac. Pas de tac-tac entre animateurs, on fait tic-tac. Ah oui, tu peux le chanter quand même. Hein. Non, c'est toi qui chantes. Non, non, je ne chante pas. Non, je chante pas. Et après, là, la meilleure, je veux que tout le monde chante. Vous voulez pas chanter en attendant? Quoi? Ah oui, fou, ça fait partie du jeu. On a une émission radio aussi, c'est pas TF1. Vas-y, fais la la la pour voir. Vas-y. La la la. Ben, pour voir. Pardon, la la la pour voir. Mais c'est quoi? Au bout de mes rêves. Jusqu'au bout de mes rêves. Ah, mais il n'y a pas besoin de micro, dit. Ouais, c'est ça. Où la raison s'achève jusqu'au bout. Bah, je chante aussi. Mais ouais, mais tu vois pas comment tu cries. Ça ressemble un peu à You Raise Me Up. Bon, alors, et la dernière? Étoile des neiges. Oh, oh là, ça est trop bien. Simon et les mots d'année. Étoile des neiges. Ah oui, oui. Mon cœur amoureux est pris au piège de ses grands yeux. Hey, oh. Non, ça c'est plus la même. Alors, est-ce qu'on retrouve ça dans. Mais je sais pas ce que je vais faire avec ça. Simon, les mots d'année, par exemple. Étoile des neiges. Ouais, par exemple. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Non. Ça dépend de l'humeur de mes disques jockeys, mais si l'ambiance est là et qu'on sent que c'est faisable, on le fait. Hein. D'accord. On est là pour faire plaisir. Moi, j'ai toujours une formule simple. Quand nous avons, on va dire, 300, 400, 500 personnes qui sont là, ouais. Si les gens s'amusent, ils chantent, ils claquent des mains, ils dansent, voilà. Et j'ai toujours les formes. Les mains. Allez, tape, tape, les mains, tape, voilà. Tape, allez, tape, tape, tape des mains. Quand les mains se baissent, c'est parce que la musique est moins bonne. Ou ils font autre chose. Donc, ça dépend, où ils baissent, ça dépend quand ils baissent les mains ou ils les placent après. On est en public. Bon, allez, on va se faire une petite coupure musicale avant de retrouver donc la première session donc de notre ami Stéphage. Petite coupure musicale et puis derrière on embraye évidemment avec la chronique de notre ami Canon. Absolument. Ouais. Allez. Donc une petite coupure avec Rod Stewart et Baby Jane. Ah bien. Et Secret Service avec Flash in the Night. Ah, ça me parle moins. Flash in the Night. Tu vois quoi? Ah oui, si tu mets pas les doigts, moi je vois pas. Allez, c'est parti. Jean-Marie est en train de vous regarder. Non, c'est pas une émission gay. Sherlock a l'air comme ça. Mais c'est parti. C'est ses t-shirts qu'il faut. You had no one. Salut, c'est Felco. Faites comme moi, écoutez 80 à l'heure sur RQC 95 FM. Eh ben tu fais bien, puisque dans la prochaine session, enfin dans la première session de notre ami Stéphane, il va y avoir un titre des Gibson Brothers. Ben oui, justement. Avec évidemment Felco, hein, qui avait rejoint le groupe dans fin des années 90 et qui l'a quitté, qui fait maintenant sa carrière solo. Et d'ailleurs, on le salue au passage. Canon. Oui. Tu nous as fait une belle préparation, préparé une petite chronique sur un spectacle dont tu nous avais déjà parlé. Alors c'est un rapport avec les violons, avec l'horreur, avec je sais plus quoi exactement, mais ouais, absolument, absolument. On en avait parlé l'année dernière. Il y a quelqu'un qui avait eu l'idée de créer quelque chose d'un petit peu particulier, voilà, assez formidable. Et c'est vrai que moi j'avais adhéré. Il m'avait contacté à l'époque et puis il n'avait pas pu venir dans l'émission. Par contre, ça avait été fait par personne interposée. Ouais. Et à nouveau, malheureusement, il ne peut pas être là. Donc c'est quelqu'un qui est quand même disponible, mais il habite assez loin. Alors je vais vous parler de Fantasma Violine, donc avec peut-être une musique d'horreur, tu dois trouver ça, je suppose, Sherlock. Mets-moi dans l'ambiance, parce que tu sais que je suis grand timide. Ah, c'est voilà. Ça que t'as mis à ton mariage. Absolument. Non, ça c'est quand sa femme l'a vu arriver. Donc, alors je vous parle de Fantasma Violine. C'est une mise en scène sur le thème du fantastique et de l'horreur. Le concept, le projet Fantasma Violine est un spectacle déambulatoire et interactif au cours duquel les participants devront passer des épreuves afin de résoudre une énigme finale. D'accord ? L'histoire, très rapidement. Lord Violine, un jeune violoniste britannique, un peu bohème, donne des cours de violon à de riches familles du nord de la France et de Belgique. Il devient aussi le professeur d'une jeune élève, fille de riches héritiers industriels. Une relation amoureuse et sincère se tisse entre les deux jeunes gens. Or, la mère de la jeune fille, femme austère et sévère, surprend cette idylle naissante et redoute un mariage de sa fille avec le musicien indigne de son rang. Elle imagine alors un plan machiavélique, arracher la langue, et les yeux du jeune homme pour l'empêcher de communiquer avec sa fille, même au-delà de sa mort. Loin de mettre un terme définitif à cet amour, l'âme vengeresse de Lord Violine hante désormais les lieux et condamne ses habitants à errer dans les limbes ténébreuses. On dirait Sherlock en train de faire un film. Eh bien, le but de la visite, écoutez bien, parce que j'ai vraiment, et c'est vraiment quelque chose de bien. C'est en fait un spectacle interactif qui consiste à déambuler par groupe de 6 à 8 participants, mais vous passez toute la soirée. Et vous êtes en fait dans différentes salles du château afin de dénouer l'intrigue, comprendre pourquoi le château est tenté et de quelle façon calmer les esprits qui errent dans les sombres corridors de la demeure. Il y a des effets spéciaux, il y a des maquillages par des make-up du cinéma professionnel. Il y a des effets de lumière, il y a des sensor rooms, il y a des trucs qui s'abattent avec de la fumée d'un seul coup au moment où vous passez avec des murs qui se lézardent et qui cassent devant vous et tout ça. Donc c'est scénarisé, des comédiens complètement incarnent les esprits, des comédiens professionnels, c'est des passionnés. J'ai vu un peu le trailer, c'est vraiment pas mal, le teaser, c'est vraiment bien, stroboscope, lumière UV, effets sonores et tout ça. Et le spectacle de cette année donc va se dérouler dans le château de Bossuit à Avelgem. Bossuit, comment tu dis? Bossuit. Ya, Bossuit. J'étais en France en 42, je me souviens très bien, c'était Bossuit. Ya. Donc Bossuit, monsieur Doyle. Ouais, c'est ça. Doyle. Donc allez, très sérieusement, franchement, alors on va se dire c'est quoi? Il n'y a pas 3000 personnes là par contre, vous avez bien compris, vous arrivez, mais dès l'entrée, une fois que vous avez posé votre voiture privée, vous êtes pris dans l'ambiance, et ça ne dure pas 10 minutes. Hein. Les places, alors je vous invite à aller voir sur le site parce qu'il y a plusieurs tarifs, mais c'est vraiment très académique, hein. Et c'est une idée qui a pris forme en fait l'année dernière, qui a été relancée, donc la preuve, ça refonctionne, et économiquement, ils sont en train de voir pour recréer l'année prochaine aussi à plus grande échelle. Donc c'est pas non plus le colonel Moutard. C'est pour Halloween, ça vient un point. Non, mais absolument, alors c'est complètement là-dedans, tu fais bien de le souligner parce que à vue de nez c'est complètement complètement c'est ça dans le thème, oui, voilà. Quand je dis le spectacle cette année se déroulera, j'ai pas eu l'occasion parce que je l'ai pas eu au téléphone cette fois, on s'est contacté très rapidement, je vous invite à taper donc le titre Fantasma, donc c'est Fantasma avec un P, donc P-H-A-N-T-A-S-M-A, Fantasma et Violine, V-I-O-L-I-N, en sachant que un des instigateurs de qui joue à l'intérieur est un violoniste professionnel que je connais personnellement, on a sympathisé. André Rieu que je respecte parce qu'il joue très bien. André Rieu, j'irai pas le voir forcément, mais il joue très bien. Et lui, il a été pris au niveau de l'orchestre de Cadatsu à Lille et tout ça. C'est un jeune de 23 ans qui a été repéré, ah ouais, quand même, qui est de Waterloo. Un prodige. Qui est un prodige de Waterloo, etc. Et quand il joue, je peux vous dire que je suis musicos, ça me ça me fout les poils. Et Dieu sait qu'à mon âge, on en a moins. Et pourtant, voilà. Donc c'était pour vous parler, c'est Fantasma Violin. Allez franchement vous renseigner sur le site, et je vous mettrai évidemment le lien. Ah bah oui, donc alors je vais dire je crois que c'est du 15-20 personnes, il y aura peut-être 2 séances, c'est pas beaucoup hein, c'est pas fait pour se faire du fric et tout, c'est vraiment un concept hein, et ils ont quand même été voilà reçus à Beausoleil. Ya j'ai dit Beausoleil. À Belgium. Ya in Belgique. Enfin c'est en ça. Belgique pardon, en français. In Belgium. So ça, c'est beau. Eh ben écoute, c'est noté. Alors, voilà. Tu parlais de prodige. On rappelle qu'on est aussi avec un autre prodige qui est Jean-Marie, hein, qui crée absolument depuis plusieurs années donc des soirées à thème qui balaye toutes les bonnes musiques des années 70. De profil, on dirait Strauss-Kahn. Ça fait plaisir. Il a fait des choses bien. Hein. Alors, attends, il est pas mal. Alors, c'est vrai qu'il fait aussi des soirées. Est-ce que... Et animé, hein. Bah, et si tu veux, à côté du Minoy, il y a chez Dodo, c'est pas loin. Alors, Jean-Marie, tu peux nous rendre un service et nous dire. C'est chaud. Oui, c'est chaud. Ah ouais, c'est lui. Non, allez, blague à part, trêve de plaisanterie, mais on revient donc sur cette superbe soirée qui aura lieu donc le 8 octobre, c'est samedi ici à partir de 21h donc à la Blomerie avec DJ Pimpon et DJ Tex. Vous allez passer une soirée mais alors mémorable. Pour l'occasion, vous avez la possibilité donc de remporter vos places gratos. Alors franchement c'est cadeau. C'est très simple hein, il suffit tout simplement nous envoyer un message sur Facebook en nous citant ne serait-ce qu'une des discothèques qui a marqué ces années-là, donc une discothèque de la région, évidemment il y en a plein que vous connaissez évidemment. Alors la cerise sur le gâteau, c'est si vous nous donnez le nom de la discothèque que Jean-Marie a créée à l'époque, eh ben c'est très simple, là vous en remportez 4 places. Je vous rappelle quand même que c'est 10€ en pré-vente et 13€ donc le soir même. Si vous voulez réserver, évidemment, bah il y a plein de d'épiceries. Hein. Vous pouvez aller au Brinzinc à Moucron, vous pouvez aller au Café du Tuquet à Moucron ou au Plan B chez Franz, ce qui vous recevra très bien d'ailleurs aussi également. Ou alors on peut aller directement au domaine de la Blomerie. Oui. Exact. Bah, oui. Aussi, oui, bien sûr. Voilà, donc il y a un numéro de téléphone, hein, le 056 33 12 87, 056 33 12. 87. Voilà, donc si vous voulez réserver, ou vous avez le numéro de Jean-Marie aussi également, hein, donc qui est le. Je peux le donner, hein. 06 bah ouais, 69 3 fois. Donc c'est le 0478 75 36 36. Je répète, 0478 75 36 36. Jean-Marie, tu restes avec nous? Ouais. Par contre, je vous rassure, si. C'est pas si... toi que je parle. Ouais, si. Jean-Marie, très sacré, au canadien. Ouais. On pose la question bouchée, les répondre. Enfants, intervenez. Mais il n'y a que lui qui parle. Depuis 3 semaines, il n'y a plus que lui qui parle. Quand tu vas laisser parler Stéphane, ça paraît pas, il mais. Il va faire sa chronique depuis. C'est une chronique. D'habitude, c'est Canon qui parle le plus, non? Stéphane. Toi aussi, je t'emmerde. Putain, vous m'avez coupé dans mon élan. Tu te rappelles quand il était pas là? Pardon. Vas-y, on passe la parole. Donc, mais tu m'as coupé du coup. Tu m'as circoncis. Bah, je sais même plus de quoi je parlais. Non, mais c'est important pour notre invité. Donc, tu viens de circoncire mon invité en même temps. C'est un bonheur. C'est qu'un bonheur. Mais je sais plus, tu m'as coupé. C'était vachement important ce que j'allais dire pour une fois. Vous êtes con. Ça aurait pas dû me couper là. Bon, ce qu'on va faire, tant que. On parlait des gagnants du jeu. Pardon? On parlait des gagnants du jeu. Oui, mais non, c'était. Donc, mais, avec mon petit non, mais trou, moi, j'avais l'air d'accord. Alors, ma mère. Moi, je vais répéter quand même. Vous pouvez donc nous joindre, nous laisser un petit commentaire sur la page Facebook 80 à l'heure ou par téléphone au 056. Pas un commentaire, la réponse, hein, parce que commentaire, on s'en fout. Ouais, bien sûr. Enfin, vous nous donnez la réponse sur la page Facebook de l'émission ou au 056 34 07 83. Depuis la France, 0032 56 34 07 83. Et ça, faites-le plus pendant les pauses musicales que quand on est à l'antenne. Merci. Mon trait d'humour, c'était ça. C'est au cas où vous n'avez pas eu le temps de noter le numéro, vous inquiétez pas avec Jean-Marie, allez sur notre page. Il y a suffisamment de quoi remonter le dernier mois. Il y en a partout. Il y a le numéro 50 fois. Voilà. D'accord. C'est pas bon. C'est allez, pas communicant. Allez, avant de retrouver donc la chronique Sinoche de notre ami Sherlock, eh ben on va assister Jean-Marie, tu vas assister à la première session de notre ami Stéphache. Je me demande si je vais pas démissionner quand même tout de suite. Pourquoi ? Avec votre tirage au sort. Rappelle-nous un peu. Parce que dans le désordre, il y a quand même les valses de Vienne, François Feldman, j'ai du Gibson Brothers. J'ai du Simon et Modanais avec Étoile des Neiges, j'ai du Michael Jackson, j'ai du Daniel Balavoine, je ne sais pas du tout quel moment je vais. Enfin, j'ai dû revoir un peu mes plans là d'ailleurs. Ouais, il y avait un truc qui était super rigolo. Enfin, mais bref, si tu peux le passer un peu à l'antenne après ton défi mix, parce que ça sera super rigolo quoi. Ouais. À écouter, c'est vachement marrant. Ouais, bon. Tiens, c'est peut-être une idée. Ouais, bon, on va se débrouiller. Hein, allez. Hein. Allez, c'est parti. Écoute, c'est parti. On va démarrer doucement. Est-ce qu'on démarre quand même avec Michael Jackson au bon BPM? Ah bon, bah, c'est cool. Allez. On est passé là. Loving you, we can change all the world.

et nos chagrins de môme dans les pages du grand monde. Maintenant que deviennent les valses deviennent, dis-moi qu'est-ce que t'as fait pendant ces années, si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes. Pendant ces années, si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes, si tu m'aimes. Maintenant que deviennent les valses deviennent et les volets qui grincent d'un château de province. Aujourd'hui quand tu danses, dis à quoi tu penses. À quoi tu penses? Non, remets la musique. Alors, alors c'est toujours sur RTL. Ouais, quand on fait des conneries, en général, on donne le nom d'une autre radio. Vous êtes bien sur Radio Boomerang. Ça revient. Hein. Ouais, mais on ouais, est. Ça fait gaffe. Onissa vient de sortir une bonne blague. Vas-y, tu peux la ressortir. Bah, redis d'abord ce que t'as dit. Tout à l'heure, elle a sorti un. J'en commence. Oui, alors quand on dit une connerie, en général, on cite que le nom d'une autre radio et on est sur Radio Boomerang. Mais attention, ça revient toujours. Ça y est, on a trouvé son pseudo maintenant. Ramucho. Bonne question de Jean-Marie, les valses de Vienne, ça date de quand, à peu près? Bah, eux, c'est des Wikipédia. Ouh. Non, me dites pas les mecs. C'est années 80, évidemment. Bonne question, mais je pense que c'est tout, mais... juste, tout juste. Je me demande si c'est vraiment pas un genre 89, peut-être. C'est possible. Ah oui, c'est tout possible, juste dans le sens, ouais. Oui, c'est plus... Ouais. C'est... Parce que ouais. François Feldman a fait d'autres titres... Ça peut pas être 89. Non, parce que François... Parce que les autres titres de Feldman étaient plus au milieu des années 80, je ouais, pense. Oui, mais je vais vous raconter une petite anecdote alors. 90, les valses viennent. Non, c'est pas possible. Donc c'est. C'est pas possible. Si, si, si, si. Si, t'es en train de dire que notre invité se gourre. Bon, Jean-Marie, ah, tu te gourres. 90. Ouais, 90. Non, non, non, non, non, tu voulais dire. Oui, non, non, non, non, c'est pas 90, c'est pas possible. Non? Bon, je vais aller voir sur Wikipédia. Bah, tire à l'info, mais en tout cas. Oui, bien sûr. Oh, et attends, on veut le scoop de Jean-Marie quand il est venu raconter une anecdote. Ah oui, alors l'anecdote. Oui. Sur, ah non, c'était sur c'est simple parce que j'écoutais donc comme tout le monde Feldman qui a quand même été numéro 1. Et le dernier café que j'ai créé à Moucron, ça, qui s'appelle Le Flore en face de la Poste, qui oui. est tenu par mon ami Christian. Eh bien, il s'appelle Le Flore parce que quand vous écoutez Feldman, il dans son refrain au café de Flore. Ah, la faune et la flore. Voilà. Il est sorti en novembre 89. Voilà. Et on a. Ah, voilà. Bah, qu'est-ce que. Voilà. Et on a ouvert le flore. Ils sont en train de se dire ce qui est la plus grosse. Novembre 89, mais pas en 90. Ouais, bon, bah, 3 mois, c'est à peu près l'époque quand même. Entre nous, Jean-Marie, heureusement que t'écoutais pas chez GGN, parce que sinon. J'aurais pu appeler ça, aussi ça, la guinguette. La guinguette chez GGN. Alors, je rappelle qu'on est avec Jean-Marie, évidemment, pour le Night of Memories, qui aura lieu donc le 8 octobre à la Blomerie. Un bel événement et il ne faut pas le louper. Nous, on aurait aimé y être, mais on ne peut pas pour des raisons tout simplement artistiques, puisqu'on sera sur Maubeuge à la Luna. Elle sera là. Oui, alors Anissa sera là. Oh, Anissa. Kalimba. Non, mais je vais t'appeler Anissa. Non, Anissa, je ne veux pas. Tu ne veux pas? Anissa Morissa. Bon, donc Anissa Morissa. Bon, Sirkis. Moi, je vais t'appeler Sirkis. Ou Salakis, si tu veux. Salakis, allez, Salakis. Salakis. Donc, on rappelle que vous avez la possibilité, Canon, tu peux le rappeler, évidemment, de remporter donc 2 ou 4 places. Absolument. On n'a pas entendu sonner, hein, donc les gens ne nous écoutent pas. Donc, j'espère simplement que la ligne fonctionne. Enfin, dans tous les cas, on mettra en jeu, si ce n'est pas aujourd'hui, on continuera à mettre en jeu jusqu'à samedi. Donc, on relancera mardi prochain. Donc, je vous rappelle que le 8 octobre 2017, fête se passera. Donc, donc on vous rappelle ce qu'on attend de vous si vous voulez gagner deux places pour The Night of Memories qui va se passer au domaine de la Blomerie, donc le 8 octobre. Le 8 octobre, c'est dans 4 jours. Si vous voulez venir faire la fête dans un cadre des années 1980-1990 à fond, la gamelle. Alors, on vous pose la question, c'est citez-nous le nom d'une boîte très très connue moucronoise ou dans l'environnement que vous avez connue entre 80 et 90. Voilà, pour gagner deux places en fait à cet événement, des places d'une valeur entre 10 et 15 euros, que ce soit en pré-vente ou directement. Et gagner donc une nuit avec Sherlock. Il y a personne qui va appeler. Je pense qu'en fait c'est la nuit avec Sherlock. C'est ça. C'est le bonus. Il y a personne qui va appeler. C'est la nuit avec si Sherlock. Et encore. Non. Elle va dire à des amis d'appeler. Elle va appeler des copines. Appelle pour que je passe une nuit tranquille sans mon mec. Voilà, comme ça je pourrais sortir. Donc mais allez-y. Donc page Facebook évidemment. Vous pouvez nous envoyer directement sur Facebook ou par téléphone. Bien sûr, passer par 80 à l'heure et puis de toute façon regardez un petit peu, il y a quelques affiches sur l'événement. Et le numéro, on le rappelle, Sherlock. Alors écoute, le numéro c'est celui-ci. FQC par téléphone au 056 34 07 83. Et depuis la France, au 0032. On dirait où choyeur. On a un accord avec la Martinique. Voilà. Et elle a une super voix, mais il y a celle quand même de Samandine. Samandine. Qui est tout aussi jolie. Hein. Oui, mais bon, moi je m'entends pas. Ah, dommage, je vais te donner mon casque. Allez, je te donne mon casque. C'est Amandine qui faisait... Ouais, c'est Dean, c'est Dean, Dean, pardon. Dean. Bien sûr, ouais, que Dean qui a fait la bande son. Le temps passe très vite, oui. Trop vite même d'ailleurs. Allez, chronique Sinoche, mon ami Sherlock. Donne-nous envie d'aller... Merci, alors... Bon, voilà, c'est fait. Allez, c'est parti. Chronique Sinoche. Pardon, R2, c'est déjà la chronique ciné. Un klaxon belge en plus, comme ça. Pardon, R2. Tu sais qu'il faudrait que je te filme quand tu fais ça, parce que en fait, t'es tout seul comme un con à parler au panneau radio qui chiffelle. Regardez. Hein. Bon, donc effectivement, je vais vous parler des sorties cinéma. Non, c'est pas R2, c'est radio qui chiffelle, c'est RQC. D'accord. Donc oui, je vais vous parler des sorties cinéma pour demain, donc... Nous serons donc le 5 octobre pour la Belgique et pour la France. Je vais d'abord commencer par la Belgique. Demain, nous serons le 5 octobre pour la Belgique et la France, en blague. Ça va. Il y a eu des accords franco-belges. Donc, je vais commencer avec le film Nerve, avec Emma Roberts, Dave Franco, Juliette Lewis. C'est un film de Henri Joust et Ariel Schulman. C'est sorti en France le 24 août. Donc, c'est l'histoire de Vie, qui est étudiante modèle, qui veut plus justement être passée comme insipide et insignifiante auprès des gens. C'est quoi insipide? J'allais demander justement. Sans goût. Non, j'ai connu insipide ou docipide, je sais pas, c'est comme tu veux. D'accord. Donc, je disais qu'elle voulait, elle voulait plus être insignifiante auprès des gens. C'est insignifiant. Et donc, ses amis lui parlent d'un jeu qui est populaire. C'est un jeu en ligne qui s'appelle Nerve. Où en fait, le but c'est de. Avec des flingues, non? Pas du tout. Non, c'est pas Nerve. C'est les nerfs. Donc, c'est Nerve. Et en fait, le but c'est de remplir des petits défis. Donc, et par rapport à ça, on gagne de l'argent. Donc, au début, c'est tout bête. Hein, on lui dit d'aller dans un café, d'embrasser un mec pendant 5 secondes sur la bouche. Et elle gagne 200$. Ensuite, on lui dit, écoute, tu vas passer toute la journée avec ce gars-là et tu vas gagner 500$. Mais ça dégénère vite. À un moment, ils se retrouvent dans un magasin de fringues. On leur demande d'essayer des fringues et on leur vole leurs propres vêtements avec tous leurs papiers et tout ça. Et donc, ils sont complètement à la merci des gens qui dirigent ce site. Et s'ils veulent récupérer leurs papiers et leur vie, il va falloir qu'ils aillent jusqu'au bout. Et au bout, c'est au bout des limites, quoi. Ils vont vraiment aller très très loin. Donc ça s'appelle Nerve. Et c'est un film qui me paraît très très bien. Franchement, ça a l'air intéressant. Ouais, j'ai bien envie d'aller le voir. Faut toujours aller au fond des choses en plus. Ok. C'est vrai que dans le fond, t'as l'air moins con. bon. Bon, ensuite sort en Belgique Peter et Elliot le Dragon. Alors, c'est déjà sorti également en France, c'est sorti le 17 août en France. C'est avec Bryce Dallas Howard, Robert Redford et Karl Urban. C'est un film Robert de David Lowery. Ouais, ouais. David Lowery. Donc, c'est en fait, depuis de longues années, monsieur Mitcham, un vieux sculpteur sur bois, donc qui est joué par Robert Redford, régale les enfants du coin avec ses histoires sur un féroce dragon qui vivrait au fond de la forêt. Donc, la fille de monsieur Mitcham veut en avoir un petit peu le cœur net. Elle se rend dans la forêt et elle va rencontrer un petit garçon qui s'appelle Peter. Et qui lui dit qu'il vit dans la forêt avec un dragon, et donc on va suivre les aventures. Bon, c'est le remake du film de Disney des années 80. Bah, disons que c'est la version. Enfin, pas des années 80, plutôt, même, parce que même c'était un film d'animation, maintenant ça ne l'est plus. Alors, c'était mi-animation, mi-film réel. Oui, ouais. Oui c'était mixé. Oui. Hein. Parce que moi j'ai pas accroché à l'époque. Ah si j'adorais. Moi. Ouais bah là t'accrocherais peut-être plus parce que avec les effets spéciaux le dragon a l'air quand même beaucoup c'est plus réel. Robert Redford quand même. Ouais, c'est Robert Redford. De le voir dans ce type de film. Bah la semaine dernière j'en avais parlé dans Brubaker. Bah maintenant on le voit dans Peter et Elliot le dragon. Il est dans le phare. Bah c'est le personnage le principal. Ah bon mais je me rappelle plus. Ah mais si c'est beau ça. Souvenir d'enfance. Yeah. Mmh. Ah parce que c'est sorti en 1930 Elliot et le dragon. 1920. Ensuite, ah peut-être pour toi Harry, La Maison des Ténèbres qui sort en France. Non. Ça sort le 12 octobre en Belgique, c'est avec Stephen Lang, Jane Levy et Dylan Minnette. Alors tu Jason Lang et la Minnette là, voilà. Ça fait un bon couple. Et donc t'es sûr que ça sort dans toutes les salles parce que c'est Pete qui a réalisé, non? Même pas, non, c'est Fede Alvarez qui a fait ça. Donc, pour échapper à la violence de sa mère et sauver sa jeune sœur d'une existence sans avenir, Rocky est prêt à tout. Et donc, il a entendu parler d'une maison où vit un vieil homme aveugle et il décide d'aller cambrioler. Le problème, c'est que rien ne va se passer comme il l'avait prévu. Le vieil homme est peut-être aveugle, mais apparemment, il sait se défendre. Et il chante « Viens danser, viens danser ». Je crois pas, non. Je crois pas, mais donc c'est un thriller un peu épouvante. Donc, à mon avis, je pense que ça se joue surtout sur le psychologique. D'accord. Et enfin, sort également demain en France et le 12 octobre en Belgique, le film Bridget Jones Baby avec René Zellweger, Patrick Dempsey et Colin Firth. C'est un film de Sharon Maguire. Donc, après avoir rompu avec Mark Darcy, donc, qui est joué par Colin Firth, Bridget se retrouve à nouveau célibataire, donc elle a 40 ans passés, elle est plus concentrée maintenant sur sa carrière et ses amis que sur ses amours, et elle pense avoir sa vie sous contrôle. Le problème, c'est qu'elle rencontre Jack, donc, qui est joué par Patrick Dempsey, ouais. Et elle retrouve Darcy, qui est joué par Colin Firth, et elle se rend compte en plus qu'elle est enceinte, mais elle ne sait pas qui est le père. Donc c'est un peu compliqué, et ça va se tourner donc un petit peu là-dessus, toute l'intrigue du film. J'ai rien compris à ce que tu viens de raconter, mais... C'est vrai. Cependant, c'est pas compliqué. C'est la fille du père du machin, du mec qui est avec tous les noms. D'accord. Mais ça doit être bien. Alors même si Harry a compris, tu dois. Ah, si Harry, ah t'as compris. Oh, bon, ça va alors. Je t'explique. Non mais la meuf, elle a grandi, d'accord, ouais. Et puis donc elle est amoureuse d'un mec depuis ouais. très longtemps, et qui est assez rude quand même, ouais. Voilà. Ah. Et elle fricote tout le temps avec lui par épisode, c'est une fois oui, une fois non. Mais rude. Et elle rencontre un autre qui est Patrick Dempsey d'ailleurs, et elle finit par être enceinte, mais elle sait pas si elle est enceinte de Patrick Dempsey ou de l'autre. Ah, j'ai rien compris non plus. Ah ouais. Ils ont fait un film pour ça, tu crois. Non, mais c'est ça. C'était à peu près ça. J'ai vu les affiches aujourd'hui. On dirait un mix de Stéphage que tu vas te faire là. Ouais. J'ai rien compris. Il y avait, ouais, t'as raconté deux scénarios en même temps, non? C'est ça, ouais. La fille a grandi, elle se rend compte qu'elle sort avec un dragon et elle est enceinte. Bon. Allez, tour de table, Stéphage, tu irais voir quoi? Bah écoute, je vais me méfier moi quand même des sélections. Dans le premier, il m'avait l'air. Nerve. Ouais. Ok. C'est la kiss? Alors moi j'adore Peter et Elliot, mais Peter et Elliot, Elliot. Mais Elliot, c'est Elio Grupo, c'est le bourgmestre de monstres. Je dirais rien. Non mais Nerf quand même. D'accord. Bah moi aussi du coup. Je vais aller avec bien sûr Arisa. Non non. On va aller tous ensemble. Canon. Ah, vu que vous allez tous ensemble, moi je vais aller voir plutôt voir Peter et Elliot. Jean-Marie, il y a un film qui te parle. Peter Elliot. Peter Elliot, d'accord. C'est vrai, sérieux. Jean-Marie, bien sûr. Ah ouais, ensemble aussi. Peut-être pas. maintenant que t'en parles. Il y a des très beaux fauteuils duo, tu sais. Ouais. T'irais voir quoi? Avec tous ensemble. Nerve. Voilà. Ah, mais attends, okay. Dans les Love Seats, il n'y a que deux places. Ils ont réduit. Mais t'inquiète, il y a Stéphane qui va aussi. Ouais, Stéphane est tout seul dans son Love Seat. Je peux t'assurer qu'à trois, ça marche. Ouais, ouais. Ah, mais tu payes 3 places, c'est chiant. Et Sherlock, le temps passe. Oui. Je voulais juste savoir, je suis sûr que tu as dû parler de Blair Witch peut-être dans les semaines passées ou pas. Oui, j'en ai parlé. Ah, bah écoute, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film aussi nul. Ah, d'accord. C'était. Eh ben voilà. C'était, comment dire, ma chronique ciné. Merci. D'accord. Ah bah, je suis content que tu le dises, tu vois. J'ai une chose à dire, je vais te couper, etc. Il y a un événement qui va se passer aussi prochainement et je vous mettrai l'information. C'est Chris Willems qu'on avait reçu en fait ici plusieurs fois donc à l'émission et c'est tout ça qui va se produire à la Maison du Canal. Simplement. Donc il faut le savoir, il va se produire à la Maison du Canal et je vous mettrai les dates, c'est incessamment sous peu, dans dimanche, pas de cette semaine, de la semaine prochaine, sauf erreur, le 15. C'est possible. Je vous dirai ça et d'ici une dizaine de minutes. Le 14 c'est un vendredi, le 15 le 16. Tu as raison. Dimanche 16, donc Chris Willems qui est donc quand même une voix assez exceptionnelle qu'on avait reçue et qu'on connaît tous ici. On a eu le plaisir. C'est très très excellent. Donc voilà, je vous le dis, il y a l'affiche sur la Maison du Canal qui a été faite récemment. Voilà. Et puis en plus, il est beau ce con. Alors, c'est vrai. Sherlock aussi, mais jaloux. Absolument, oui, je suis jaloux. Sherlock aussi, mais lui, il est plutôt. Moi, c'est plus très con. Toi, t'es plus très con. T'es plutôt très con. Okay. Alors, je rappelle quand même que nous sommes avec Jean-Marie pour cette super soirée qui est Night of Memories, qui aura lieu donc à la Blomerie. Et on a un vainqueur. Et on a justement donc un gagnant. Alors, le premier gagnant, parce qu'il peut encore en avoir d'autres, évidemment, puisqu'on continue le concours, qui va gagner 2 places. Je te laisse l'honneur de l'annoncer, mon ami Canon. Eh bien, c'est Sylvie Gossard, donc félicitations. Et puis, tu nous excuses, c'est vrai qu'on se connectait sur Internet, mais comme on a beaucoup de flux, c'était un peu compliqué. Je viens juste de voir ton message. Donc, absolument, tu as cité des boîtes de nuit, t'en as même cité d'autres qui étaient connues, mais comme le Club 13 et qui faisaient partie en fait de ces boîtes mythiques qui seront mises à l'honneur donc le samedi 8 octobre donc à la Blomerie à Moucron. Bah écoute, le meilleur moyen, tu te mets en relation donc avec Flipcat qui te remettra donc les 2 places de la part de l'émission 80 à l'heure. Voilà. Ouais, je sais pas comment je ferai parce que j'y serai pas. Voilà. Bah non, mais il sera pas là ce jour-là, mais effectivement, le 8 octobre, je dois me couper en 3 en réalité. C'est ça qui est. C'est un peu compliqué. Est-ce que Jean-Marie, on peut imaginer que viennent directement à la soirée et en donnant leur nom, est-ce que c'est chaud ou pas? C'est chaud. Ouais, ça va être compliqué comme ça. Phoenix Roscan, c'est chaud. Bon, Sylvie, si tu nous écoutes, voilà, merci, on trouvera une solution pour remettre. On lui transmettra évidemment les 2 places. Parce que Sylvie est une auditrice très. Et avec son homme aussi. Pascal. Voilà, Pascal. Qu'on salue et qu'on embrasse au passage. Et si t'essaies de poser, t'as pas le temps de dire prénom, ils le disent pour toi. Pascal. Enfin, moi, je vais bien l'embrasser s'il est plus malade. Ouais, s'il est plus malade. Voilà. Qui, depuis un an, a une grosse dysenterie, n'a pas quitté les toilettes. Non, c'est un écoulement du fondement, c'est pas pareil. Allez, on va continuer parce que évidemment le temps passe très très vite. On va faire on va tirer au sort la deuxième session évidemment du défi Mix 80 de notre ami Stéphane. C'est vrai qu'au passage, Onissa me disait mais on n'a même pas parlé du défi Mix. Oui, mais oui. Bah, écoute, si tu veux en parler, vas-y, parle-en parce que toi tu as été subjugué. Bah oui, moi je trouve quand même qu'il a vraiment vraiment bien mixé parce que les titres n'étaient pas évidents. C'est clair. Bah, je te remercie. J'espère que le tirage au sort sera suivant sera. Plus moins bénéfique. Alors, Foleski, il a bien mixé, c'est nettement mieux que la fois dernière. Justement, il y avait un décalage la fois dernière, on se demande quand même à cause de qui. Alors, on va tirer. Est-ce que tu peux nous refaire un petit mix de ce que tu m'avais fait écouter tout au début? Ouais, je peux. Ouais, peut-être, ouais. Vas-y. Alors, tant que tu prépares, on va tirer au sort. Vas-y, prépare-toi, Stéphane. On va demander donc à Onissa, évidemment, de tirer 2 titres. C'est Michael Jackson et les Valses de Vienne. Voilà. Et on va demander aussi Jean-Marie, notre invité, évidemment, de tirer 2 autres titres, si tu veux bien. Et pareil, je vous rappelle, vous donnez le titre et il va falloir, évidemment, chantonner. Ah bah non. Non, je n'ai pas besoin de chantonner. ça veut dire ça craint quand même. Ouais, ça craint. Pour moi, ça craint. Ça craint des boudins. Jean-Marie qui commence à tricher pour essayer de trouver le titre. J'essaie de... Bienvenue dans l'émission, fais pareil. Alors Stéphane, je te veux un petit mix. Non, c'est... Bah, alors là, ce sera pas un mix. Je vais pas pouvoir te faire ça comme ça. Mais alors attends, faut que je retrouve le Michael. Par alors pour la petite information, Michael, il a devant lui alors, une grosse tablette. Je sais pas ce que c'est exactement. Avec, c'est toi, c'est Onusoft. Non. Oh non, c'est pas gentil. Ça c'est pas ouais. On c'est a dit pas, qu'on l'appelait pas. On l'appellerait pas une grosse ça. Tablette. Faut qu'il retrouve Michael Jackson. C'était, alors, tu voulais le Michael Jackson un petit peu pitché, c'est ça C'est ça, ouais. Allez, vas-y. Alors, bon, je peux te mettre le Michael. Attends, je vais peut-être avancer un peu le Michael quand même. Parce que, tant qu'il chante, le pépère. C'est ce que c'est, ouais. C'est horrible. C'est horrible, hein, mais. Mais c'est ce que ça donnait tout à l'heure, en fait. On dirait un adolescent qui voit sa première nana à poil, quoi. Il était en train de faire des tests pour savoir quel mix pouvait passer et il m'a fait écouter ça. Je lui ai dit je pense pas que ça va passer comme ça en fait. Bon bref. Vous êtes toujours sur RTL version 78 tours. Bon allez, on y va. Jean-Marie, les premiers titres que tu as tirés au sort. Les premiers titres, ça va peut-être aller mieux pour toi. Le Michel Sardou, incontournable, Les Lacs du Connemara. Ah, là tu dois le chantonner, obligé. La, la, la, la, la, la, la, la. Autour des lacs, c'est pour les vivants. Moi je préfère cette partie-là. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Et le second, ça va aller pour toi, ça va être juste une mise. Ouais, ça va être bien pour ouais. Oh là. Ça va pas aller mieux, je crois. Ouais, un cadeau. Au niveau des rythmes, ça va être un peu compliqué pour toi, Stéphane. Onissa, bah, tu peux nous donner le titre déjà. Alors, It Owes Jack to the Sound of the Underground. The underground. Jack to the Sound of the Underground. Jack to the Sound of the Underground. On a compris que Nissa était fort anglophone. Non, mais je suis nulle là-dedans en anglais. Mais non, ça va être pire. Ça va être encore pire. Téléphone. Ça, c'est vraiment toi. Ah, bah, ça, tu peux le chanter. Non. Oh, ah, bah, si, quand même. Ça se sent. Ah, t'as dit que je sentais bon tantôt. Mais non, mais si, bien sûr. Avec Canon, elle est là quand même. Ça, c'est vraiment toi. Ah, ah oui. Non, bah non, mais là, elle me le lance. Bah, alors, bah oui, mais elle suit jamais. Ah, moi, je suis en plus avec elle. Ça se sent. Pourtant, j'ai mis du déo. Hein. Alors, et moi, de mon côté, moi, j'ai Sandra. Et alors, le titre me parle pas, mais je suis sûr qu'il est connu. C'est Even Can Wait. Ouais, je te chanterai pas, mais oui, si. Si, ouais, c'est comme ça. Tu ne veux pas. Non, je ne sais pas du tout. Après, ensuite, j'ai Chris Area avec The Road to Hell. This is the road to hell. Ouais. Ah, d'accord, c'est ça. C'était Chris Area. J'avais même pas. Ouais, d'accord. Et Even Can Wait, le début, ça fait ça. Ah, oui. Ouais, ceci. Ça, c'est un corps de 166, c'est un DX7. Bah ouais. Alors, t'en as trois de toute façon. T'as le Korg, le Moog et le DX7. Non, il y en a d'autres. Ouais, non, mais après. Il y en a que trois. Oh merde, il y en a que trois qui reviennent. Non. Et vous savez quoi, les gars? On va être fous. Mais là, on va se faire une petite coupure le temps qu'elle se. Ouais, bah. Qu'elle se prépare. Que la session se prépare, évidemment. Que Stéphane Chel se prépare. Et c'est le temps en trempé, tiens. Ce que je vous propose. Mais non, je pensais à la session. Ouais, tu sais, t'allais dire l'autre tafiole qu'elle se prépare. Maintenant, DJ Stéphane Castaglior. En parlant de ta fiole, tu pourrais peut-être nous faire ta chronique, justement. Allez, c'est parti. Ah, maintenant. Bah ouais, attends. Ah oui, c'est vrai. Allez, attention, c'est parti. Bah allez, vas-y. On est bon aujourd'hui. Eh, ça me fait penser que j'ai oublié de changer. Jean-Marie, à quoi tu fais penser cette chanson? Hey, en 2017, si je le laisse, il va nous sortir le même truc. Ça va être ponctuel, récurrent. Bon, j'ai décidé en 2017 de sortir autre chose. Oh là là, il va nous déballer le rendu fort. C'est le seul à savoir qui est ficelé. Allez, c'est parti, vas-y. Excusez-moi. Allez, on se reprend, les gars. On t'écoute. Allez. Donc comme j'avais annoncé tout à l'heure, je vais faire une petite chronique et puis ben on va pour sortir des habituels groupes anglais ou américains. Je vais vous parler pour une fois, j'ai voulu faire plaisir un petit peu à tout le monde. Alors profitez-en, ça va pas durer. Je vais vous parler des Reita Mitsuko. Ouais, cela dit, ouais. Non, j'avais franchement ça comme idée depuis un petit moment. Alors ben voilà, c'est fait. Alors, ben, les Rita Mitsuko se sont formés en 79. C'est un duo d'auteurs, compositeurs, interprètes pop-rock qui est composé, bien entendu, de la célèbre Catherine Ringer, qui est née en 57, et de Fred Chichin en 54. Alors, le groupe, évidemment, était devenu l'un des plus populaires dans les années 80, en France, hein, évidemment, et pas que. Alors, Catherine Ringer et Fred Chichin se sont rencontrés à Paris en 79. Fred Chichin, donc, est déjà un ancien guitariste de Gasoline. Le groupe Gasoline, je ne sais pas si ça vous parle. Groupe de rock, j'imagine. Ouais. Et puis je peux vous dire que ben déjà à l'époque j'avais déjà vu quelques vidéos, c'est franchement pas un manchot, et puis au niveau culture franchement c'est une bible ambulante ce mec. D'accord. Je sais pas si vous vous souvenez des émissions d'Ardisson, les blind tests, franchement j'étais scotché quand je voyais les réponses. Alors évidemment donc ben Fred Chichin à l'époque venait de sortir de prison, ben la suite d'une affaire de drogue. Ah. Un petit peu étonnant hein, mais bon ça arrive, petit dérapage. Et il a été blanchi. Ça arrive. Ouais. Ça m'est jamais arrivé. Hein. Enfin, il a glissé sur une seringue. Enfin, bref, me suis laissé entendre dire. Mais depuis, il a été blanchi. Hein. Il est passé à la coque. Blanchi à la coque. Alors, évidemment, donc, ben, Catherine Ringer chante alors dans la comédie musicale Flash Rouge de Marc O et Geneviève Hervé. Il faut savoir que, bon, ça, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais une petite parenthèse quand même. Hein, oui. Qu'entre 76 et 82, Catherine Ringer a tourné une vingtaine de films pornographiques. Ouais, plutôt scato même d'ailleurs. Hein. Plus film de boule que film de slip. Hein, ouais. Enfin, ouais. Ouais. Enfin bon. C'est pareil. Ouais, bon, c'est du pareil au même. Hein. De toute façon, ça n'a ni queue ni tête ces histoires. T'es en grande forme ce soir. Hein. Ouais, je sais pas, pourtant, je suis un mauvais spécial, mais enfin bon. Alors, film, évidemment, qui ne manqueront pas de mentionner le nom de Rita Mitsuko à l'époque. C'est ça au générique, à l'époque où elle commençait. Ouais, Oui. Ah merde. Ça avait été mis vraiment en avant quand il y avait des films qui étaient déjà publiés depuis fort bien longtemps, à l'époque où elle commençait à connaître succès. Évidemment, au générique, dès que le film commençait, il était marqué en gros Rita Mitsuko. Oh les boules. Comme ça, oui, c'est le cas de lire. Puis je peux dire que dans les salles de cinéma, ça faisait la queue. Hein, pour aller voir les films. Alors, Catherine Ringer qui commençait donc à devenir célèbre, évidemment, grâce à Rita, et effectivement, et ça, elle l'a maintes fois mentionné, elle n'a jamais renié ses expériences faites, comme elle le disait, de situations violentes, difficiles, où son image personnelle était complètement écrabouillée, réduite à néant. Et elle comparait donc à l'époque le porno à une forme de service militaire. Voilà. Donc, long et dur. J'ai pas fait mon service. Donc après, là, en quelque sorte, elle a été dégagée des. Oui, elle l'a été aussi. Elle l'a été certainement. Hein, ça, je pense qu'elle ne me contredira pas. Bon, en quelque sorte, elle a été dégagée des obligations militaires, si on peut dire. Alors, faute de salaire à l'époque, les deux musiciens quittent le spectacle. Fred Chichin est engagé et au bout d'une semaine de répétition, dit à Catherine. Quittons cette galère et faisons un groupe de rock. Ils composent alors leur première chanson sous le nom de Spratz. Alors, j'ai rien trouvé là-dessus, hein, mais ça devait être pas trop mal, à mon avis. Et jouent tous les deux dans les divers bars, plus, avec un petit magnéto Revox, dans des restaurants, des bars, comme je le disais, des petites salles. Entre autres, le Gibus, pour ne pas le nommer. Célèbre petite salle. Et donc, en 80, ils composent et interprètent la musique de « Aux limites de la mer » d'Armando Lamas. Lamas, je sais pas. Je connais pas. Ça vous parle, non? Non, moi. C'est pas grave. Yamas, je pense, en espagnol. Yamas, oui. C'est en espagnol. Parce que je me demande s'il n'y a pas une faute de... C'est le qui me le fait. Et c'est en 81 qu'ils changent alors de nom pour Rita Mitsuko, partent pour leur première tournée française en première partie du groupe new-yorkais Indoor Life. Ils signent leur premier contrat de disque avec Virgin France et sortent leur premier 45, Minuit dansant. Ah ouais. Non. Alors, on reconnaît bien le style quand même. Ouais, j'allais dire. C'est un titre qu'honnêtement je ne connaissais pas, j'ai découvert. Et quand on regarde, ça annonçait bien la couleur du groupe. Oui, non, le côté un petit peu déjanté qui lui allait déjà bien. Ouais. Alors, vous allez me demander, puisque ben, ça, souvent, j'essaie de rechercher l'origine des noms de groupes. pourquoi le nom de Rita Mitsuko? Bah ouais, alors pourquoi le nom de Rita Mitsuko? Oui, posez-moi la question, bon sang. Mais pourquoi le nom de Rita Mitsuko? Bah ils l'ont choisi en fait pour sa beauté, sa sonorité internationale, passant des Amériques à l'Asie, de la stripteaseuse Rita Renoir au parfum Mitsuko de chez Guerlain. Ah ouais. Et voilà. J'en avais entendu parler. Ah ouais, bah moi je l'ai appris parce que je me demandais un petit peu avec un nom pareil parce que c'est pas un nom pour sortir. Hein, enfin bref. Et au début ils s'appelaient Rita Mitsuko et après ils se sont fait appeler les Rita Mitsuko. Et ben effectivement j'allais le dire, donc on va passer. Hein, donc au départ les Rita Mitsuko, le groupe s'est rebaptisé les Rita Mitsuko par la suite effectivement. Alors de l'album Rita Mitsuko sort extrait évidemment le fameux tube en 84, Marcia Baila. Ah oui. Ça passe dans les soirées Night of the Void. Ouais. Ah ouais. Pas de problème. C'est un incontournable évidemment. Franchement, on s'enlève pas. Hein. Non, carrément pas. Et c'est vrai, ça ne vieillit pas. Non. Alors, évidemment, ça c'est 84. J'aime bien, c'est quand on entend quelques bribes et on y serait excité. Ouais. C'est parce que je vais être discrète. Ouais. Immense. Alors donc ce titre avait effectivement sorti en 84 hein, pour le single Marsa Baila qui sera suivi évidemment d'un clip réalisé par Philippe Gauthier, rien à voir avec Jean-Paul, hein, je vous le dis tout de suite. Derrière une mélodie joyeuse, des paroles au thème tragique parlant d'agonie pardon, du cancer de leurs amis Marcia Moreto, puisque c'est un véritable personnage hein, narré dans la chanson. Ah ok. Alors bon évidemment là c'est le début du succès évidemment que ce titre en 84 et leur succès sont enchaînés à partir de 85 avec des tubes comme Andy. Que voilà. Ah oui. Hey Andy. Hey Andy. C'est une copine à moi qui m'a dit que tu t'appelais Andy. Andy. Ça fait un moment que je te suis Andy. Hey, tu viens chez moi? Ou alors on va chez toi? Allez Andy quoi. Oh dis-moi oui. Terrible, terrible. Ouais, ouais. Alors là, on est toujours en 85, hein, donc avec Andy, qui sera suivi dans la foulée d'un autre tube avec C'est comme ça. Ah oui. Faut voir Stéphane, je suis en train de faire un coucou, je mise. C'est une photo à faire. Mais franchement, ça reste dans les annales. Enfin. On dit ça à Stéphane, je suis en train de se goûter. Il bégote pas, mais il faut Ça va, Sherlock, s'il vous plaît. Ça va, ça va. Ah, là tu m'as tué, là tu m'as tué. Alors comme je le disais, bon, comme quoi qu'il y a toujours des exceptions, moi ce que j'aimais particulièrement dans ce titre-là, c'était le tempo qui était donné par le rock, rythme, hein. Qui était donné par la guitare basse. Ouais. Voilà. Il y avait aussi un autre titre, Les Histoires d'A, avec un grand A. 86. Ah oui. Love is all. Oh, il y a un air quand même. Ouais, ouais. Quand même très Roger Glover and Guest. Hein. Ah ouais, ça, hein, carrément. Hein. Ah, ouais. J'aime beaucoup, moi, quand même. Sauf quand il y a Onissa qui chante à côté de moi. Mais je me suis reculé. Ah ben, c'est passé. Va, Radio Boomerang. Va dans le métro, Satanas. Alors, toujours dans la continuité des tubes, mais là, on va faire un petit bond en avant. On va partir en 88. Il y en avait un que j'aimais beaucoup, je vais vous dire le titre après, qui faisait en fait, je vais vous dire pourquoi, il faut que je l'explique, référence à la déportation des Juifs dans les camps de concentration nazis, puisque le titre de ce morceau, c'était tout simplement Le Petit Train. Ah oui. C'est pour ça que donc je voulais faire cette précision parce que effectivement on le disait pendant la coupure là, c'est vrai que c'était un petit peu leur marque de fabrique, leur spécialité, c'était de confronter des hymnes qui pouvaient être assez joyeux, entraînants, mais qu'en fait quand on écoute bien les paroles, c'est assez dramatique en fait. Ouais, alors bon, grave. Effectivement, donc ça c'était en 88. Pour rester en 88, j'ai rajouté un petit bonus, et tu en avais fait référence tout à l'heure, Harry, le morceau avec les Sparks, qui s'appelait Singing in the Shower. Singing in the Shower. Terrible, ce truc. Shower tonight. Oui. Ouais. Avec les Sparks. Pour l'occasion de faire une chronique aussi sur ce Rappelle-moi un peu le titre qu'ils avaient fait, les Sparks, assez connu. When I'm with you. Ah ouais, oh. Ah oui. Ouais, c'est ça, oui. Alors, pour continuer dans ce qu'on disait là, pour illustrer un petit peu des titres qui sont à la fois festifs au niveau de la chanson elle-même, mais quand on écoute bien les paroles, là, c'est tragique. Il y avait aussi d'autres titres, et j'avais choisi Il y a de la haine aussi. Ah, et alors, ah, oui, ça, par contre, j'étais étonné, c'est quand même 93, je pensais pas. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Ça, j'aime beaucoup aussi. Et ça, donc, durant le tournage du clip, il y a même le cinéaste Jean-Luc Godard qui s'était donc pris en train d'enregistrer l'Erita Mitsuko, qui a enregistré l'album de No Comprendo. Et ça figure dans le film Soin de ta droite. Elle avait une sacrée voix. Ouais, ouais. Elle a toujours d'ailleurs, Catherine Ringer. Ouais, ouais. Elle peut passer du très cristallin. Il y a tout un régiment qui s'en souvient d'ailleurs. Ouais. C'est ça. Faut rien lui dire à Canada. Alors bon, donc on arrive effectivement à la fin des années 80 avec, au travers des quelques succès là que je vous ai passé à l'instant. Le duo en fait a gardé pendant toutes ces années sur disque comme sur scène une grande originalité qui ne se prend pas au sérieux et qui explore tous les courants musicaux, ça on a pu le voir. S'intéressant tour à tour au funk, à la new wave, au hip-hop et également au jazz. Alors en 2001, ils se produisent et participent à l'album Le Paradis Bleu des Cœurs Cournés de Jean Néplein, chanteur du groupe Fassbinder, avec Fred, de 76 à, ouais. 79. Pardon. Et le dernier album, Variety, coproduit par Marc Platy, est sorti chez Because Music le 23 avril 2007. Et à savoir qu'ils avaient également produit une version en langue anglaise de l'album Variety, qui était sorti en juillet pour les Britanniques. Alors en novembre 2007, l'Erita Mitsuko malheureusement sont contraints d'annuler une partie de leur tournée en raison de l'état de Fred Chichin, l'état de santé qui se dégrade considérablement. Et le 13 novembre, Catherine Ringer monte seule sur scène de l'Olympia, du fait de l'absence de Fred Chichin. Et peu de temps après, malheureusement, on déplorera et on apprendra la mort le 28 novembre 2007 au matin de Fred Chichin, qui meurt à l'âge de 53 ans d'un cancer foudroyant, diagnostiqué 2 mois auparavant seulement. Alors le groupe devait se produire le soir même à l'Olympia, comme je le disais. Et j'ai choisi une chanson qui, je trouve, reprenait bien l'esprit du groupe, qui s'appelait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est pas si vieux que ça. Ça date de 2007, ça s'appelle Ding Ding Dong. Ah ouais, Ding Ding Dong, j'adore. Ring Out Your Bell. J'irai bien chanter avec le merle d'à côté. Déjà les étourneaux volent là-haut, merveilleux nuage d'oiseaux. Mon amour, la belle heure pour s'aimer, l'aurore dans mon corps fait couler la rosée. Le ciel est clair et l'air est un parfait. Par la fenêtre ouverte Alors moi, il y a une chanson que j'adore de Erita Mitsuko, mais je crois que c'est Catherine Ringer tout seul, c'est La Berceuse. Oui, il y avait plein d'autres pistes. La Berceuse, c'est une chanson, si vous la connaissez pas, faut l'écouter, où elle endort son gamin et elle s'énerve à la fin. Elle s'énerve vraiment, tu vas dormir, quoi. Et ça va crescendo, cette chanson, elle est excellente et ça va dans l'esprit de Erita Mitsuko. Par contre, ça me dit quelque chose, mais pour moi, c'est pas Catherine Ringer. Et à la fin, à moins que je connaîtrais une reprise, mais je suis pas. Alors, il faut savoir aussi que Catherine Ringer avait fait la BO du film Les Trois Frères. Oui, ne t'en absolument. Va pas, je t'en prie. Oui, absolument. Ne t'en va pas. Elle le chante un peu différemment, mais. Et d'ailleurs, elle fait la maman. Hein. C'est la maman dans Les Trois Frères, puisque c'est elle qui chante le single, puisqu'elle est chanteuse dans Les Trois Frères. Ah bon ? Mais on la voit pas. Mais ah oui, ils héritent de la. Non, c'est normal, c'est Trois Frères. Ouais, non, mais. Et ils héritent donc de la maman qui est chanteuse et la chanson est interprétée par Catherine Ringer, donc par par déduction c'est la maman. Ouais, jusqu'à nouvel ordre. Oui, c'est vrai. Oui. C'est exactement ça. C'est incroyable. C'est le fameux 45 tours. C'est ça. Moche. Moche d'ailleurs. Très moche. Et oui, mais ça s'appelait. La chanson s'appelait Ne t'en va pas. T'en va pas. Non, c'est pas le même. Si tu l'aimes, t'en va pas. Ah, mais je l'aime pas. Ah, c'est à moi qui ça. Et donc, elle, au spectateur, mais t'es pas en spectacle ici. Avant, et donc, Philippe 4, t'es pas sur scène. On dit ça, c'est la seule depuis trois fois qu'elle vient, elle pense qu'elle est filmée. T'sais. Et donc, Philippe 4, elle continue de tourner ou pas alors, Catherine Ringer, de cette là Parce que dernière nouvelle, j'ai pas eu d'informations comme quoi elle avait. Parce que je sais que après la mort de Fred Chicha, elle avait continué quand même à faire quelques concerts. Avec Lerita Mitsuko, interprète. Ouais. C'était, ou je ne sais plus, mais un nom, interprète Lerita Mitsuko. C'est ça. Non, mais je pense que. Bah, moi, j'ai acheté l'un des derniers albums en live, il date d'il y a quelques années quand même, mais c'était à l'Olympia. Mais c'était le dernier. Maintenant, il y a forte chance qu'elle collabore avec d'autres personnes et qu'on la reverra peut-être, j'imagine, quoi, honnêtement. Donc voilà, bah écoute, Flipkat, merci pour cette belle chronique sur la Rita Mitsuko. Et on en apprend tous les jours et ça fait bien plaisir de revenir en arrière. Jean-Marie, qui est avec nous, je rappelle hein, quand même pour le Night of Memories. Rita Mitsuko, ça t'a parlé? Obligé. Ah bah ouais, évidemment. Évidemment. Obligé, cette époque était bénie. Il y avait tas de groupes français comme ça qui sortaient à ce moment-là. Ouais, absolument, absolument. Et les Rita ont marqué. Et puis surtout qu'elle avait quand même elle avait une tenue déjantée, ouais, coupe de cheveux. Déjantée. Oui. Ah ouais, mais complètement. Et vous vous rappelez aussi de cette émission où elle avait perdu sa dent. Ouais. Oui. En direct, et sa dent en devant, elle avait, je sais pas, certainement une fausse dent. Une dent pivot. Sur pivot, et qu'elle elle chante, elle perd sa dent. Non, mais c'est vrai, elle se retrouve avec une. Et elle continue, elle n'est pas décontenancée. C'était terrible, quoi. Ah, c'est un personnage. Ah, ouais, complètement. Et elle ne mettait pas de culotte. Et elle ne mettait pas de culotte, ce que dit Vio. Il n'y avait pas qu'elle hein, dans les années 80. Pas après. D'ailleurs, Véro l'avait comme modèle, elle faisait tout comme elle. Hein. D'ailleurs, Véro, ce soir, n'a pas de culotte. D'ailleurs, je tiens à rappeler, dans les niais, ça devait être la grande mode à l'époque. Je ne sais pas qui est-ce qui avait lancé ça dans les années 80. Il y avait Valérie Natoff qui avait fait ça. Oui, c'est vrai. Elles sont nombreuses. Il y avait Madonna aussi qui avait lancé sa culotte. Oui, Demis Roussos aussi. Il y a les 10 premières personnes au premier rang n'ont plus vu le reste du spectacle, ils ont vu le SAMU. Non, mais ils ont cru que le chapiteau est tombé en fait. C'est ça. Voilà. En parlant de chapiteau, je vous rappelle aussi qu'il y a un artiste qu'on avait reçu qui va avoir. Waouh, voilà. Joli. Voilà. Bravo. Qui va faire donc au concert le samedi 22 octobre. C'est Thibauty qu'on avait reçu en fait donc sur son concert sur le fil du temps. Voilà, avec notamment Mon Chapiteau qui va lancer en vidéo. Pour la première fois, j'ai l'impression de vous plomber l'ambiance. Non, on l'avait reçu et puis donc il nous passe un petit coucou. Pour rappeler que donc c'est dans trois bonnes semaines cet événement. Ne le loupez pas, pardon. Il y a Onissa qui répond en même temps que moi. Donc autrement on a Arnaud, on a Lo, on a aussi pas mal de gens qui nous saluent et qui nous passent le coucou en disant qu'Onissa aussi tu as une très jolie voix et de bons choix au niveau de tes goûts musicaux, et c'est une femme qui dit ça. Voilà. Merci. C'est Onissa qui s'envoie des messages, mais bon. Non, c'est Valérie qui nous dit que nous passe le bonsoir, qu'il y a une petite touche féminine, ça fait du bien, c'est girl power. Hein. Ah, je confirme, ça fait du bien. Voilà. À elle, moi. Donc voilà. Bon, et on rappelle quand même que, et parce que c'est aussi l'info de la soirée, c'est évidemment le samedi 8 octobre, Night of Memories. Il reste une demi-heure pour gagner donc vos places pour Night of Memories. Canon rappelle un peu le principe si on veut gagner des places. Alors soit vous nous contactez maintenant, il se fait peut-être un peu tard, mais vous passez par la page Facebook, vous tapez 80 à l'heure et puis on vous a posé simplement une question. Et puis bon, allez, on va faire puisque c'est la fin aussi de l'émission. Contactez-nous, donnez-nous votre nom et puis on vous propose le 8 octobre de venir rejoindre en fait toute cette belle soirée avec plus de 1000 personnes, des DJ, des boules à facettes, des slow. ça moi j'ai retenu. Deslo, etc. Une belle sélection de du meilleur des années 80 jusqu'à 90-2000. Hein, je crois qu'on va jusque là. Voilà, 2000 Jean-Marie, un peu plus. Hein. Donc faire la fête, tout ça remixé par des DJ professionnels pour un prix dérisoire, puisque comme vous allez nous appeler, vous allez gagner la place. Donc vous tapez 80 à l'heure. Alors je rappelle le numéro de téléphone, c'est le 056 34 07 83 ou depuis la France le 0032. 56 34 07 83. Je veux dire, il est trop tard pour appeler. Non, parce qu'on va encore avoir un défi mix de Stéphane. On aura un peu de temps. Mais pour n'appelez jamais pendant le défi mix de Stéphane, parce qu'on n'entend rien. Sa tablette sur la touche, après il râle. Allez, donc du coup, on embraye avec la deuxième session du défi mix de notre ami Stéphane avec une. Avec un tirage au sort pire que le premier. Rappelle-nous un peu quelques titres, c'était possible. Alors, c'est pas que les titres sont pas bons, c'est que. C'est le tirage. Ils sont vraiment. Voilà. Ouais, c'est dis-le, dis-le carrément, c'est nul à chier. Parce qu'on a des bons morceaux quand même. On a du Chris Rea, The Road to Hell. On a Sandra. On a également Téléphone. Ouais. On a aussi Michel Sardou. Que je vais devoir. Ça va être marrant parce que ça démarre très très lentement au début. Ouais. Ouais. On a de l'électro avec It House aussi. Donc, ouais, bien. Mais on va démarrer avec Jackie Quartz. Juste une mise au point. Voilà. Et après, on verra. Il met au point ses titres, après il revient. De toute façon, il vaut mieux faire ça. Allez, on y va. Se ramène, juste quand le sommeil se met en grève. Le blues en profite pour s'installer. Quelques verres de vin blanc pour exciter le manque, et on se repasse le film sur un air de romance. On revoit les débuts et on connaît la fin. Bon, ça c'est mon côté pessimiste. Je préfère penser que c'est une histoire sans fin, si ça vous dérange pas trop. Oh, pour une fois. Bon, je laisse tomber le couplet sur l'amour immortel, ça ne concerne pas grand monde. Puis de toute façon, la mort d'un amour donne la vie à un autre. Y a déjà moins de soucis à se faire. Tiens, le bar tabac de la rue Clichy, où tu t'envoies ton petit crème. Je le connais par cœur. Je peux même le dessiner les yeux fermés. Juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie. Sur les clichés trop pâles d'une love story. Sur l'état d'âme d'une femme sans alibi qui rêve toute sa vie. Juste une mise au point pour un petit clin d'œil de survie. Pour tous les fous, les malades de l'amour. Pour toutes les victimes du romantisme comme moi. Juste un petit clin d'œil, une mise au point. Nos vacances au soleil, sous les UVB, dans un institut de beauté. Notre superbe voilier qui a jamais vu la mer. Nos lits improvisés sur un morceau de moquette. Les discussions de fin de soirée chez les copains. Ah oui, parlons-en des copains. Pour foutre la merde et son champion. Gros plan sur tes yeux quand ils me disent « je t'aime ». Nos scènes de jalousie qui fatiguent tout le monde. La rue des Bernardins et le square Lambita. Nos crises de fou rire juste au mauvais moment. Et nos jeux de mots ringards qui ne font rire que nous. Puis, notre premier rendez-vous dans un nightclub désert. Avec la bonne copine qui veut pas tenir la chandelle et qui se tire en râlant. Juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie. Sur les clichés trop pâles. Oh, What time is it? It's time for a house. Ooh la la. Ooh, house.

Mais il va fermer sa gueule, celui-là. Ah, le bumètre, ils sont en train de taper dans le rouge depuis tout à l'heure, bordel. Je te dis pas les auditeurs, les casques, les enceintes. C'est souvent ce qu'on me dit, je t'ai vu, maître. Ouais, maître 20. Oh mon Dieu. Non, appelle-moi Dom. Même la mousse, elles font. Pardon. Ça, c'est parce que t'es à côté de moi. Allez, on va aller à l'essentiel. Franchement, c'était fâche. Mais deuxième alors là, session. Vous m'avez fait vraiment galérer sur la deuxième session. C'est mais, Jean-Marie. Ouais, c'est Jean-Marie, ouais, c'est vrai. Il est responsable, évidemment. Je vais t'annoncer la troisième. Ah, mince. Jean-Marie doit nous quitter. C'est ça, hein. Oui, j'ai un métier. Ouais, bah ouais. Je me doute. Mais en et tout cas, on n'a même pas parlé de Francis. Parce que quand il y a Dominique, il y a Francis qui l'accompagne. Strauss-Kahn. Ah. Oh mon Dieu, on était loin. C'est qui Francis? La trompe. Je veux comprendre. Ouais, c'est clin d'œil au guignol de l'info, ça. Ah, tu... Ouais, non, attends, mais non, c'est sympa. Je suis largué, non, je vois pas. Non, mais alors, vas-y. Non, alors maintenant, on a plus trop d'occasion de voir les guignols, mais. Non, mais je suis branché sur les guignols, mais les Francis Strauss-Kahn. Non, Dominique Strauss-Kahn, avec son peignoir en. Ouais, on ouais, le ouais, parle. Je suis, ouais. Ouais. Et Francis, c'est qui Francis? Ah, ça me parle pas. Genre, bah, ça m'étonne de toi. Bah, je regarde déjà pas les films de Sherlock. T'aurais dit Jackie et Michel, il aurait dit oui. Ouais, Jackie et Michel. Écoute, parle-moi de trucs de mon âge. Tu feras une recherche sur YouTube, tu vois. C'est vrai. Je vois pas Francis. Donc, Jackie, J.A. Bah, c'est qui Francis? C'est la kiss. Il y avait un peignoir. Bah, on c'est lui Francis. Ah, d'accord. Ah, il l'appelle Francis. Eh ouais. D'accord, okay. Ouais, ça marche. Tu te sens pas un peu seul là, tout Il est parti. C'est si Francisou. Tu te sens pas un peu seul là, tout C'est difficile. C'est la radio, c'est pas très visuel. Hein. Tu parles pas très souvent, mais en fait, tu devrais pas. Ouais, puis c'est vrai que Dominique, excuse-moi, on confond. Hein. Ouais, tu vois, pourtant, j'ai pas dit Canon. Il y a pas de Dominique. Hein. Bah ouais, comment Dominique ça se fait a arrêté l'émission il y a 3 ans. Avant de partir, je vais te faire un cadeau. Tu t'es senti. Je vais te faire un cadeau. Vas-y. Je t'ai sorti un truc que tu vas adorer. Waouh! Francis! Non, s'il te plaît, Jean-Marie, le sors pas! C'est impressionnant! Ah ouais! Je peux vous dire, je suis à côté, et bah franchement, j'ai failli me cogner. Ça va te faire tout drôle. Voilà. Arnold Turboost. Ah, okay. Ah, très bon, ouais. Et Zabou, Adélaïde. T'aimes pas Harry. Si, c'est bien. Et d'ailleurs, je crois que c'est Zabou qui chante avec elle. Avec lui. Bah oui, c'est ce qu'il a dit. Bah c'est ce qu'il fait, c'est dans le titre. C'est dans le titre. C'est dans le titre. Bah oui. Arnold Turbo, c'est Zabou. Ah, pas bon. Adélaïde. Allez, écoutez. Ah non, pas du tout. Bah non, là, j'ai pas entendu. Vous êtes toujours sur RTL et vous écoutez. Les grosses têtes. Non. Oh bah là, c'est pas la tête. Hein. Non. Et je suis content parce que Canon, il a pas relevé. Parce que quand tu dis grosse tête, tu aurais dit non, ici on est dans les grosses. Non, on l'a ok, non. Il écoute rien. Je veux dire, c'est pas une grosse tête. Non, bah c'est pas une grosse tête ça. Mais il écoute rien. Mais si j'écoute. C'est dans la chronique de Sherlock. On va redevenir sérieux. Il est en train de piper là, tu vois. Alors, on va l'expliquer quand même pour nos amis auditeurs parce que là, c'est un peu tendancieux. Ah oui, c'est ça. Ouais, t'as raison, fais un peu pour vieux. Alors, si Canon il pipe son chauffage central. Ça chaudière, voilà. Ça, comme, ça se termine. Il n'y a pas l'image ici. Ah bah non, il n'y a pas l'image. On s'est pas mis en direct aujourd'hui. On aurait pu. Vaut mieux. On aurait pu. Alors, on remercie évidemment Jean-Marie. Alors, on rappelle que Jean-Marie, c'est le papa, c'est l'instigateur, le chef d'orchestre de toutes ces soirées que vous connaissez, qui se passent à la Blomerie, entre autres, hein, parce qu'il y en a d'autres. Mais en tout cas, on va parler de celle-là, puisque c'est le 8 octobre. C'est Night of Memories. Donc, ça va balayer des années 75 jusqu'à 2005 avec DJ Pimpon et DJ Tex. Donc 10€ en pré-vente et 13€ le soir même. Faut surtout pas louper cette soirée, c'est à partir de 21h. Vous avez encore la possibilité, alors là il vous reste 5 minutes. Si vous voulez remporter vos places, tout simplement nous envoyez votre nom, votre prénom sur Facebook. On va faire très simple, hein, Jean-Marie. Donc il reste encore 5 minutes sur Facebook, sur la page de l'émission 80 à l'heure. Et si vous avez plus de courage ou plus de forfait, vous nous appelez au 056 34 07 83. Et on sera un plaisir, tout comme pour Sylvie, de vous offrir, enfin en tout cas Jean-Marie sera un plaisir de vous offrir deux places. Voilà. Et demain, on relayera quand même le jeu de telle façon que les gens puissent continuer à jouer. D'accord, on vous lancera un petit défi voilà, avec quelques questions, enfin une question. Allez, voilà, si vous répondez, vous pourrez encore jouer demain. Hein, voilà. Donc venez nombreux. C'est vrai, excuse-moi un petit mot, on parlait de DJ Pimpon et tout ça, et c'est vrai qu'on n'a pas noté les gens de DJ, il y a des millions de DJ, c'est vrai que les noms et tout ça, c'est, ils assurent vraiment, c'est vraiment de très très bons DJ. Ah oui, hein, ça mixe en direct, ça envoie du lourd, c'est vraiment très très bien, comme notre ami Stéphage, donc ça prend des musiques et puis ça fait pas simplement des boucles, hein, ça mixe, c'est vraiment sur scène, les mecs ils transpirent, ils suent et ils font de telle façon que vous dansiez comme des fous, comme à l'époque des années 80-90. Oui, je sais, Onissa, Stéphage, il suit beaucoup. Je faisais la rime de ce que t'avais dit. Eh, mais d'ailleurs, si. Mais c'est bien ventilé. Onissa, pour qu'elle devienne. Alors, tous ceux qui nous écoutent, Onissa, cette voix féminine va comprendre qu'un jour, pour parler, il faut prendre un micro. Je voulais être discrète. Mais de toute façon. C'est loupé ici. On va y réfléchir parce qu'on va lancer quand même un petit sondage sur Facebook. On va y réfléchir la semaine prochaine puisqu'on a une réunion quand même plénière. Hein, je le dis. Voulez-vous qu'on la prenne? Voilà. Non, pas forcément, mais. Alors, vraiment. En direct, alors. Voilà. Moi, les cougars, c'est pas mon truc. Oh. Je t'en fous, la toile. Jean-Marie, je sais qu'on doit te laisser puisque tu as un métier, effectivement. Voilà, donc. Merci en tout cas d'être venu. Ça nous a fait un vrai plaisir de te connaître parce qu'on te connaissait par le nom, puisqu'on te voyait régulièrement sur les actualités de page Facebook et Internet. Et on est content d'avoir fait ta connaissance et on va te revoir. Ouais. Et moi je vous remercie de m'avoir reçu aussi gentiment avec une aussi jolie personne qui est à côté à droite d'ailleurs. Merci. Ouais, c'est pas toi, je parle. Non, c'était Stéphane. Il a pas une qui sera présente samedi. Voilà. Ah oui. Et j'espère qu'on fera énormément de monde, une excellente ambiance et voilà. Et je vous donne rendez-vous déjà samedi. Et la prochaine, ce sera également, je pense, fin mars. Voilà. Alors moi, je me permets, je te propose aussi, c'est comme il y en aura une, voilà, en mars, et que tu avais d'autres projets aussi dont tu m'avais un peu parlé, bah reviens quand tu veux, préviens-nous un petit peu avant, quoi, tu vois, et arrête genre de nous balancer prochaine. 160 trucs. Maintenant, t'as notre numéro, tu viens. Avec plaisir. Merci à toi. Avec plaisir. Alors, on enchaîne, parce qu'effectivement, c'est le rétro ciné 80. On va pas y couper, hein, mon ami, t'as signé, c'est pour faire ta chronique. C'est pour essayer de vous faire deviner. Voilà, donc on remercie Jean-Marie, on lui fait une grosse bise, merci à toi. Et puis, on se retrouve très vite. Si on a la possibilité de venir, mais cette fois-ci, ça va être un peu compliqué, mais... en tout cas, y allez tous, il faut y aller. Je vous rappelle que c'est le 8 octobre, donc c'est la Blomerie à partir de 21h. Ça va déchirer. Ouais, je vous raconterai la semaine prochaine. Ouais. Salut Jean-Marie. Salut Jean-Marie. Onissa, tu restes assise. Allez, bah, c'est parti. Rétro Ciné 80, c'est parti. Rappelle-nous le principe aussi. Alors, le principe, Harry, c'est qu'on va tous monter dans la DeLorean. Ah, tiens, encore. Et on va partir. En 1986. C'est qui DeLorean? Donc j'ai regardé un film cette semaine, un film des années 80 forcément, et je vais essayer de vous le faire deviner donc avec des petits extraits c'est sonores. Ce que tu viens de faire. De quoi? T'es passé de la voix de Christopher Lloyd à la tienne mais en crescendo. C'est vrai? Alors maintenant, on est un film de l'année 86, tu t'en es même pas rendu compte. Tu sais quoi, la première, elle était géniale. Hey, c'est comme tout à l'heure, il avait fait R2 avec la voix belge, avec l'accent belge, pardon. Ouais, bah, la voix d'R2, mais. Salut! Je vais arrêter avec les images. Bullshit! Bon, donc oui, effectivement, j'ai regardé un film des années 80 cette semaine et je vais essayer de vous le faire deviner. Donc en vous passant des petits extraits musicaux, des petits indices, des choses comme ça. Donc on va commencer tout de suite avec le premier extrait. Donc qui est une. C'est une piste sonore, c'est celle-ci. J'adore! Faire une petite imitation peut-être. Alors j'ai une question. Est-ce que le réalisateur fait une apparition dans le film? Bonne question. Est-ce qu'il y a un caméo? Voilà, comme tu aimes bien ce terme-là. Alors attends. semble qu'il est dedans. Avec un manteau de fourrure et il passe. Ah non, et, pas du tout. Ah d'accord, non, ça n'a rien à voir. Pas du tout. D'accord. Donc il y a un caméo quand même ou pas ? Oui, il y a un caméo. Ok. Mais il y a un caméo, je crois que c'est en tant que caméraman. Non. D'accord. On le voit en c'est tant pas que un costaud. Le réalisateur, c'est pas non, un non, costaud. Non, non, non, non. Ah, tu pensais à Stallone, toi ? Ouais, Sting and I. C'est Street non, Fighter, c'est alors. Okay. S'il y a un caméo. Non, c'est Dragon Ball Z, caméo. Ouais, aussi, ta gueule. Tu vas me prendre sur ce terrain-là ? Je te prends sur n'importe quel terrain. Même nous, mon garçon. Non, on peut éviter. Il est prêt à te prendre sur du schiste. Non, c'est dégueulasse. Bon, bah, tu sais pas. Donc, la musique est de David Shire. Si ça vous dit quelque chose, si ça vous dit rien, c'est normal. Ouais. Alors, dans les acteurs, il y a Tom Lawrence, Brian McNamara, G.W. Bailey, Austin Pendleton, Tim Blaney, Fisher Stevens. Alors, Fisher Stevens, pour ceux qui ont vu il y a quelques années la série Demain à la Une. C'était un chat qui ramenait le journal à un gars. Oui, absolument. Et ben c'est le meilleur ami du gars de la série. Il y a un petit œil qui dit merde à l'autre d'ailleurs. Un peu. Ouais, enfin, il a. Enfin, dans... Il y a une coquetterie dans l'œil, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, deuxième extrait, c'est celui-ci. Et d'ailleurs, c'est lui qu'on va entendre le. Celui qui a un petit accent, c'est celui-là. Hein. C'est Fisher Stevens. Quand t'as fait cette fille? Où est le numéro 5? Ce que j'ai vu est incroyable. J'ai vu 3 robots totalement reprogrammés en 10 minutes. J'ai vu le numéro 5 passer à travers un mur, attraper la fille, et passer à travers un autre mur, la fille tout le bras. Il criait son nom comme le ferait un homme. Attends une minute. Si tu es en train de te dire ce que je me dis que t'es en train de te dire, alors t'es en train de te dire que cette femelle est une espèce de super crack, c'est ça? Bien sûr, c'est un super crack. D'abord, elle a décodé le code d'accès de 9 ans, ensuite elle a déchiffré le langage que j'ai inventé, tout ça pendant qu'on était dans le bar. Ouais. Et que s'est-il passé? Est-ce qu'elle t'a mis la langue dans la bouche? Non, non. Bah, dis-moi alors, ne me fais pas attendre, je veux savoir. Allez, viens, Newton. Oh, bonté du ciel, c'est plus bisous, qu'est-ce que je vais avoir, c'est une barre de fer. En tout cas, il a le même débit de parole que Canon. Et donc, bah, l'acteur qu'on a entendu, donc, c'était Fisher Stevens, celui qui a un accent un peu plus prononcé. Est-ce que c'est un film, on va dire, pas de science-fiction, mais presque. Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais, quand même. Est-ce que la bande originale, la musique originale, a un rapport avec le titre? Oui. Mmh. La musique originale, c'est celle-ci. Ah bah oui. Ah c'est oui. Elle de Barge. Ouais, bah oui, évidemment. Eh oui. Eh oui. Je vais même te dire un truc. Dans le titre, il y a 2 chiffres. Non, il n'y a pas 2 chiffres, mais en tout cas, le personnage principal, le principal, il y a 2 chiffres dans son nom. Non, il n'y a pas 2 chiffres, il n'y en a qu'un. Il y a un seul chiffre. Ah non, ouais. 2 fois le même chiffre. Non. Non. Non, non, non. Il y a 2 fois 2 chiffres différents. Et d'ailleurs, c'est des chiffres du Nord. C'est R2 la France. Ah non. 5-9. Non. C'est horrible. Ouais, ouais. Alors, on a entendu tout à l'heure, hein, dans l'extrait, il disait numéro 5. Voilà, c'est numéro 5. Et si je dis, par exemple, ça n'a rien avec le titre, est-ce que ça a un rapport avec Johnny 5-9? C'est pas Johnny 5-9, c'est Johnny 5. Ah ouais. Eh, hey, Harry numéro 134, c'est toi. Mais j'aime beaucoup. Et il y a un point commun avec Police Academy, évidemment. Oui, bah oui, forcément, et parce oui. que ah, l'acteur j'adore. Principal j'adore. Était l'acteur principal de Police Academy, le premier. Stepach, ça te parle? Bah, pour l'instant, non. Alors, je vais vous passer, un deuxième extrait de dialogue. C'est celui-ci. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Pâte à papier, plantes, légumes, tomates, eau, sel, glutamique de monosodium. Eh ben voilà, merci. Là, tu réagis comme un robot. Et l'apparence? Et celle? D'un papillon. D'un oiseau. D'une feuille d'érable. Où ça? Nom de Dieu de merde! Pas de merde. Où tu vois merde? Alors, Oui, mais moi ça me rappelle. Mais j'ai adoré ce film. Ouais. Et je crois qu'il y a eu un deuxième. Il y a eu une suite, ouais, effectivement, dans les années 80. Beaucoup moins réussi. Ouais. J'ai beaucoup moins aimé. Et ça fait penser quand même à un film de Pixar qui est un peu dans le même esprit. Oui, par rapport à Wall-E. Exactement, absolument. C'est dans le même esprit. Quand j'ai vu Wally à l'époque, je me suis dit, mais oui, mais ça me faisait penser à ce film. Ouais, effectivement. Ouais. Alors, je vais vous passer. Donc, le dernier extrait, c'est Max Carl avec Come and Follow Me. Et je vais vous expliquer un petit peu le pitch du film et je vais vous donner quelques petites anecdotes. Alors, donc le pitch du film, bon, le réalisateur c'est John Badham, donc t'étais pas très loin dans La Fièvre du Samedi Soir, parce que c'est lui qui a réalisé également La Fièvre du Samedi Soir. Ah ouais, d'accord. Ouais, le premier, hein, pas Staying Alive, Staying Alive, c'était ouais, Stallone. C'est Stallone qui l'avait. L'acteur principal c'est Steve Guttenberg, qui a joué dans Police Academy, mm-hmm. Et l'actrice principale c'est Ali Sheedy. Et dans 3 hommes et un couffin aussi. Ouais. Alors c'était trois hommes et un bébé. Et un bébé, ouais, t'as raison, un bébé, version américaine évidemment. Alors donc le pitch c'est ça, conçu par le professeur Newton Crosby et son assistant Benjamin Jarvie, destiné à des fins militaires, numéro 5 n'est rien de plus qu'une machine un peu plus sophistiquée que les autres quand la foudre lui tombe dessus. Désormais doué de la pensée et d'un solide sens de l'humour, le robot totalement déboussolé trouve refuge auprès d'une jolie écologiste. Mais déjà, l'armée le traque dans le seul but de le réduire à l'état de pièce détachée. Forcément, lui ne va pas vouloir. Alors, les seuls chiffres que j'ai eus, c'est 57 423 entrées au box-office français. Alors, c'est sur Paris. Ah, c'est étonnant. J'ai pas eu les chiffres pour la France. J'ai Il a dû en avoir plus, quand même. J'ai eu les chiffres que pour Paris. Après, je sais pas, pour la France, j'ai pas réussi à trouver. Il y a eu quand même 3 nominations au Saturn Award et le prix du BMI Film Music Award, donc pour la bande-son. D'accord. Alors, il faut savoir que la musique du film a été diffusée sous la forme d'un album tardif, sorti plus de 22 ans après le film lui-même. L'album du film n'a jamais été sorti à l'époque. Alors, je voudrais que tu reviennes sur Who's Johnny, qui a interprété la chanson. C'était Eldebarge. Donc c'est eux qui ont fait The Rhythm of the Night. C'est ça, The Rhythm of the Night. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'était Eldebarge qui chantait ça. Alors donc dans une scène numéro 5, Danse sur les Bee Gees, le film de La Fièvre du Samedi Soir. Donc comme je disais, c'est un petit clin d'œil car c'est également John Badham qui a réalisé le film en 77. Et c'est bien le personnage principal qui danse dessus à un moment. Et ouais, c'est ça, ouais. Le même geste que John Travolta. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Donc deux des acteurs du film avaient déjà travaillé ensemble. En effet, Steve Guttenberg et G.W. Bailey s'étaient déjà croisés à 3 reprises sur le tournage de Police Academy 1, 2 et donc sur celui-ci. Quelques années auparavant, Steve Guttenberg jouant Mahoney dans Police Academy, et G.W. Bailey jouant le rôle du capitaine Harry, c'est son célèbre plus vite. Voilà, c'est lui. Alors, l'unique diffusion du film sur une chaîne hertzienne française s'est faite le 13 avril 93 à 20h50 sur France 2. C'est la seule fois où le film Short Circuit, parce que c'est de celui-là dont on parle. Ah bah ouais, t'as donné la réponse. Voilà, bah oui. Voilà. C'est donc la seule fois où le film est passé en France à la télé. Ah, c'est marrant parce que moi je me rappelle qu'il avait bien marché à l'époque des vidéoclubs, il marchait bien. Il a très bien marché. Harry avait le titre tout de suite. Je sais exactement de quel film on parlait. Impossible de me souvenir du. Quand il me l'a dit, j'ai même eu un doute. Une édition collector à l'image qui a été restaurée et sortie à plusieurs reprises en zone 1, donc aux États-Unis, au format DVD et Blu-ray, mais ne propose aucune bande-son ou sous-titres français. Donc là on est un peu emmerdé. En France par contre, le film a été tiré que dans une qualité plus que médiocre. En fait, c'était repris directement de la VHS. Ah oui. Ouais, ça arrive. Ouais. Et donc avec un DVD là, à 5 euros. Et donc là, c'est que la bande son française. Et c'est le seul DVD actuellement disponible, quoi, avec donc une image pourrie. La suite, donc Short Circuit 2, Appelez-moi Johnny 5, Johnny 5, est sorti en 88. Il y avait un script pour un éventuel troisième film écrit en 89 et réécrit en 90, mais il a été jugé insatisfaisant par les producteurs et le projet a été ensuite mis au rebut. Il faut savoir qu'un projet de remake datant de 2007 a été confirmé en 2008 par le site Variety avec Steve Carr, donc qui a fait Docteur Dolittle 2 et École paternelle à la réalisation. Ouais. Ce dernier quitte le projet en 2011 et est remplacé par Tim Hill qui lui a fait Alvin et les Chipmunks et Hop. C'était un film avec un lapin, le lapin de Pâques, je crois, ou un truc comme ça. Oula, Et depuis, malheureusement, le projet est apparemment au point mort. On n'a pas plus de news. Donc voilà, donc apparemment il y aurait quand même un remake qui serait dans les bacs. Mais dans les bacs, ouais, mais depuis le temps, ouais, il y a un peu de temps. C'est depuis 2007. Hein. Bon, après, il y a des Arlésiennes qui reviennent de temps en temps où on entend des films. Onisa, elle est revenue, hein. Ouais, bah oui. Donc voilà tout ce que j'ai pu trouver sur ce film. Alors le film, je l'avais vu quand j'étais tout petit, effectivement, ça me parlait à peine quand on m'en a parlé, mais c'était surtout l'extrait où on entend où ça merde, pas de merde. Oui, c'est ça. C'était un truc que par contre j'avais retenu. Moi il m'a marqué ce film, je sais pas pourquoi, mais il a marqué ma jeunesse. Mais moi je l'ai vu, non je l'ai pas vu au cinéma, mais je l'ai vu à l'époque en VHS, effectivement, et j'avais passé un très très bon moment parce que c'était aussi l'avènement un peu de science-fiction, et puis ouais. Les effets spéciaux sont pas non plus exceptionnels, mais. Pour l'époque, hein. Ouais, ah ouais, non, c'est quand même pas mal fait. Le robot est quand même bien fait. Ouais, non, il est bien fait, ouais. Il est bien fait, absolument. On dit ça, je vais la taguer. Elle dit, ouais, pour l'époque, elle l'a pas vu. Non, tu l'as pas vu. Mais si, je l'ai vu, Timmy, je suis avec toi. Toi aussi, pour l'époque, t'as tes effets spéciaux, quand même. Eh ben, écoute, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il sera disponible à partir de demain sur la page de 80 à l'heure. Ah, bah écoute, c'est un vrai plaisir. Ça t'a parlé, Stéphane ? Pas du tout, mais comme dingue, souvent. Alors, c'est vrai que moi, ma culture cinématographique, bon. Après, c'est peut-être parce que je suis trop jeune, comme Onis. Voilà, exactement. Tu me fais plaisir. J'ai enfin quelqu'un comme moi. Ah, bah, c'est bien la première. Quelqu'un de fou. De quoi t'as enfin quelqu'un comme toi ? Quelqu'un de cul ou. Non, qui est nul en cinématographie. Non, je suis désolé, ça ne pas. Anissa, c'est la seule ici. Onissa, pardon. Non, mais t'y arrives. C'est la seule ici qui a été voir tous les films d'Hitchcock au cinéma. Donc, arrête quoi. Je te teste. Les oiseaux. Parce que tu les as vus. Philippe Cap. Oui. Alors, okay. C'est quoi, tu vas nous faire une chronique mobile, toi. Alors, tu vois, téléphone mobile. Arrête de le réveiller. Pardon. Je suis les auditeurs qui participent au jeu. Aussi, oui. Non, je me réveille là. Non. Donc, si je peux. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je cherche le titre sur la fin. Je voyais le film, et le pire, c'est qu'effectivement, c'est quand tu l'as mentionné, court-circuit. Ça m'est revenu. Ah ouais. Parce ouais, que alors, j'ai réussi à le télécharger. Short circuit. Alors voilà, c'est short circuit. Short circuit. Short circuit. Alors c'est sorti sous le nom de court circuit en français, short circuit aux États-Unis et cœur circuit en québécois. Et avec l'accent belge. Court circuit. Ah bah, une fois, parce que le deuxième c'est pas le même. Merde, il y a plus de temps. Allez bien, et les amis, on regarde l'heure, il est bientôt 23h et précédé de 5 minutes. Donc, succédé, précédé, enfin bref, il est bientôt 23h. Enfin bref, c'est la fin. Ça sent la fin là. Donc, il est 22h55. Ouais, c'est ça, merci. Merci, Canon. Et à ma montre Seiko au quartz. Ouais. Hein. Bah, attends, sur la montre de Canon, il est 23h30. Je sais pas pourquoi. Je prends toujours. Toujours d'avance. Tu prends de l'avance, ouais. Faut avant les autres. Bon, allez, le temps de remercier Stéphane pour cette belle chronique des films. Eh ben, merci, c'était encore très très facile, merci. Ouais, très fastidieux, je pense, pour toi, mais en tout cas, on a passé un très très bon moment et on se retrouve donc le mois prochain. Ah oui, mais que le temps passe vite. Incroyable. Ouais, incroyable. Mois de novembre. Voilà, et donc, on pourra bientôt fêter les 20 ans d'émission. Non, 11 ans. Merci à Sherlock, évidemment, pour ses sorties Cinoche et puis pour la Rétro Ciné 80 sur Short Circuit. Court Circuit, version québécoise. Merci à Flipkat pour les Rita. C'était aussi une belle. Belle chronique et belle rétrospective sur ce groupe qu'on aime beaucoup. Merci à Canon, bien sûr, merci. Merci. Je vous rappelle très vite, donc Fantasia, regardez demain, Fantasia via violine. Fantasma violine. Merci, c'est ce que je viens de dire en néerlandais. Voilà, vous avez aussi Thibauti, hein, donc on vous remettra ça, et Chris Willems qui sera à la maison du Canal. Ça marche, mais on en reparlera la semaine prochaine sans aucun souci. Il sera déjà venu. Et voilà, et la fameuse soirée du 8 octobre, évidemment, donc soirée qui s'appelle Night of Memories. Et demain, des places à gagner encore, on mettra un jeu au point. Parce que t'en as plein dans la main, là. J'en ai 8 hein, dans la main à gagner. Je vais en prendre c'est normal, une, c'est le 8 octobre, vas-y. Je vais en prendre une, comme ça je vais pouvoir la vendre. Voilà. Bon, je veux pas vous presser, mais on va bientôt devoir, on va devoir se quitter, en fait. Bah, donc presse-nous. D'accord. Et on remercie Onissa aussi, également, qui était avec nous. Pourquoi faire ? Une bonne fin de soirée à tous, bisous. Oh. Ah, bah ça donne envie de te coucher, c'est vrai. Et franchement, ça valait le coup. Hein. Allez, bonne soirée. Non, mais la façon dont elle le dit. Non, elle a pas dit comme ça du tout. Non. Encore une fois, tu n'as rien écouté, Harry. Ah ouais, ouais, ouais. Bah vas-y, refais-le nous. Une bonne soirée à tous, gros bisous. Ah, c'est ce que je te dis là. Hey, ça te donne envie de jeter ton casque et de te coucher nu. Disons-le bon. Quand même que Onissa a une voix érectile. Eh, vaut mieux une voix érectile qu'agricole, hein. Absolument. Allez. Ça dépend de l'épine maïs, hein. Pardon. Bon, allez, on arrête là-dessus. On va laisser l'antenne et on va le rendre le sérieux de notre émission, enfin en tout cas de l'antenne à RQC, puisqu'on vous allez retrouver donc les petites. C'est net que vous adorez tant. Non mais c'est vrai. Allez, non mais vous en fait, vous attendez tous avec impatience cette petite scénette à 23h. Oh oui, les scénettes. D'ailleurs, Rico qui nous écoute se dit putain mais qui se teste que je puisse écouter mes scénettes. Ouais, exactement. Mais c'est ça. Avec Françoise et je sais plus qui. Je ne sais plus. Qui vont nous parler de santé. Peut-être que ce soir ce sera les hémorroïdes ou je sais pas quoi. Mais ça va être dans ce genre là. Si si si. Bon allez. Et écoutez ça, c'est génial. Donc c'est génial. C'est génial. Bon et eh ben écoutez, on va se quitter justement avec deux barges. Enfin, ici il y en a plus que deux, mais on va se quitter donc avec deux barges, avec Rhythm of the Night. Et donc on se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne, donc 20h-22h30 si tout va bien, c'est ça. Si ce sont mis cette semaine déjà. Allez, ciao. Out on the street. Yeah.